Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Merci d'avoir choisi Indestar pour passer la soirée. Vous avez bien fait parce que, à l'instant, ce qu'on vient d'entendre, c'est le dernier titre de Nina Attal. Il est sorti aujourd'hui sur tous les réseaux et il est déjà sur Indestar. Donc voilà, si vous êtes par exemple en podcast, que vous réécoutez cette émission plus tard, il va vous falloir aller sur Indestar pour retrouver cette musique dans la playlist. En fait, elle est passée ici, elle a mis sa musique et elle est repartie. Ah, mais on a vu Nina qui est passée tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Ouais, évidemment. Nina est là et Nina pas là. Bon, cela dit, nous, on est chacun chez nous aussi parce que c'est une émission à la maison. Avec Julien, Daniel, Teddy, Théo ce soir. Oui. Peut-être Cindy qui nous rejoindra, c'est tout yes. Jamais. Et en tout cas, le sujet de ce soir, c'est l'humour. Ouais. On va faire rire, ouais. Enfin non, on va, ouais. On va nous faire rire avec ouais. Les duos parce que c'est l'humour à plusieurs. Donc nous, on est des rigolos. Minimum en deux. La preuve, on est à quatre déjà. Nous, on est à quatre. On va faire un spectacle. Ouais, alors. Ah non, on fait le Montreux Festival, mais le Amboise Festival. Tu vois. Je pensais commencer par une blague de Toto, je sais pas ce que vous en pensez. Une blague de Toto ? Vas-y, une blague de Toto. Alors, c'est Toto qui arrive de l'école ! Ah bah non, il y a Covid, voilà. bon. parlons de alors, choses qui ne fâchent pas. Ce soir, donc, émission humour, comment vous avez passé cette semaine, les garçons ? Ça s'est bien passé pour vous ? Eh ben, il n'y avait pas d'humour. Il n'y avait pas d'humour cette semaine. Toi, non, toi, t'as travaillé, ouais. Teddy. C'est marrant. En boulangerie. Ouais. En présentiel. Parce que comme vous ne le savez pas. Pain, oui, comme on ne se sait pas, t'es boulanger. Je suis boulanger depuis toujours. Depuis, oui. Je fais du pain. À la naissance, il pétrissait déjà. Eh, je suis né un 16 mai. Et alors ? C'est la fête des boulangers le 16 mai, c'est à Saint-Honoré. Ah, t'es né le jour de la fête des boulangers. Ouais, petite information évidemment. Supplémentaire si vous n'avez pas suivi ces 10 dernières émissions. Son avenir est tout tracé. Mon destin. Personnellement, d'un seul coup, je regrette de ne pas être né le 25 décembre. Ah. Le jour des cadeaux. Ouais. Ah merde. Ouais, mais t'aurais dû faire non, Père Noël. Parce que non, faut jamais naître le jour de Noël. Parce t'as que deux fois moins de cadeaux. Même quand t'es proche de Noël. Tu reçois quand même moins de cadeaux. C'est vrai, c'est statistique. Ouais. C'est de l'arnaque. Effectivement. Mais cela dit, pour te contredire. Comme c'est férié, la fête du travail, ben. Ouais, ça pourrait être sympa. Et du coup, tu dis, on va organiser une fête en l'honneur de mon anniversaire. Ou la veille du 1er mai aussi, ouais. Ça peut être sympa. Mais pour te contredire, Théo. Théo. Il se contredit tout seul, il se parle à la troisième personne. Je me contredis moi-même pour te contredire, Teddy. Moi, je suis né le jour de la Saint-Patrick. Et t'es non alcoolique. Et pourtant, j'aime pas l'alcool. Voilà. Donc, tout à fait logique. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Ah, mais c'est vrai qu'en fait, il en a bu trop. Ou alors, en fait, ses oui. parents. Oui, oui. À l'accouchement, tu vois, ils étaient pas très jojo. C'est ce qu'il nous dit, mais contrairement à l'humour de ce soir, il boit en solitaire. Exactement, seul avec mon jus de pamplemousse dans ma cuisine. Elle fait des petites soirées comme ça quand je tue pas la radio. Bon, d'ailleurs, en parlant de radio, on est bientôt en vacances de Pâques. Bah oui, la semaine prochaine, parce que la radio c'est les vacances. Aussi fait Pâques. Et bah oui, on va aller chercher les œufs. Bon, ça c'était dans la radio. Dernière. Ah non. Vous avez été gâté en œuf de Pâques, Julien, Daniel, Teddy, vous avez été chercher les œufs, ça s'est passé comment ? Daniel ? Oh. J'avais envie de savoir, Daniel. J'en ai déjà mangé, ouais. Ouais. Et moins que les autres années, hein, parce que y a un problème, c'est que je suis tellement gourmand de chocolat qu'on évite de m'en offrir parce qu'autrement, je vais me gaver. Ouais, bah c'est, oui, vraiment, on a. Le gavage des oies, c'est le même principe. Le gavage du Daniel se fait avec des œufs en chocolat. Le gavage du Théo marche très bien aussi. Ouais. Le chocolat aussi, oui. Le seul rat au chocolat spécial Daniel. Julien, t'en as acheté aussi des œufs en chocolat ou pas ? Bah écoute, ça fait un moment que je fais plus la chasse aux œufs, mais ma fille l'a fait bah oui. Dans le jardin, donc bon, j'en ai piqué quand même 2-3. Hein, ouais, ça c'est une bonne excuse pour s'y remettre. Quoi. Non, mais c'est la taxe parentale. C'est normal. C'est ça. Et puis on sait pourquoi t'as ta fille maintenant, c'est pour aller chercher les œufs quand même. Hein. Non, ça fait partie exactement. Du jeu. Moi j'ai pas besoin de cette excuse hein, pour acheter des œufs en chocolat. Oh, oui, mais ça nettement, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que ça vous fait ça aussi chez vous, hein, mais moi genre la nuit j'ai l'impression que le stock diminue. Genre, il doit y avoir quelqu'un qui vient chez moi en piquer des œufs en chocolat. Tu sais que j'ai les clés. Non. C'est toi en fait. Merde, ça me il a pas les clés chez lui, mais il a les clés chez toi, dis donc. Ça me fait flipper maintenant. Teddy, toi, t'as eu des œufs et le petit aussi. Alors, est-ce que bébé il a eu des œufs? Le bébé a eu des œufs et forcément, j'ai appliqué la taxe parentale, oui. Qui est très salée. Hein. C'est comme 50-50. Ah ouais, c'est prêt. C'est pire que la TVA. Hein. Oh, c'est que mon fils, il n'en mange pas beaucoup, généralement. Ouais. Et même s'il en mange un peu trop, il vomit. Alors, ouais. Forcément, donc, en fait, papa se dévoue. C'est ça, tu préserves sa santé. Exactement. Il cherche des excuses, là. Hein. Ouais. Et bien sûr, je m'en achète à moi. Aussi, à moi. Il se moquait des autres, mais hein, il est bien pareil. Ah ouais, non, je suis même pire que vous. Ça veut dire que tu as ton stock personnel plus une partie du stock de ton fils. Oui, et j'ai pas fini mon stock parce que après Pâques, ouais, il y a des réductions sur les chocolats. Il y a des moins 50%, des moins. Mais chut, faut pas le dire parce que sinon tout le monde va faire la démarche de les acheter. C'est pas grave. Vu où je travaille, je peux en acheter. Attends, quand la primeur. Genre à 6h du matin, tu seras déjà rouillé sur le stock de chocolat. Moi, je peux prendre dans les rayons direct. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est vrai, c'est vrai. T'as pas un regret d'être boulanger et pas chocolatier par hasard? Ben, franchement. Non, pour sa silhouette, c'est pas un mal. Ouais. Puis, chocolat, c'est un peu plus artistique, je trouve. Enfin, ouais, il y a de ça, oui, bah oui. Bah, pour faire les belles sculptures en chocolat, parce que souvent, les plus grands chocolatiers, c'est ce qu'ils font pour s'amuser, c'est des sculptures en chocolat. Ouais. Ils font pas les chocolats de Pâques ou quoi que ce soit. Ah, tu peux faire des très beaux chocolats de Pâques, hein. Oui, mais c'est pas le. Enfin, c'est pas. C'est pas ça qu'ils font. C'est bah, ouais, généralement, enfin, ils font des vidéos YouTube, comment ils montrent un truc, oui, genre une fausse radio, un truc du genre, en chocolat. Ouais, autant c'est avoir cool, une vraie radio finalement. Pour, si bah, on veut écouter une des stars, c'est mieux. Ouais, ça marche moins bien. C'est plus pratique, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Genre, on peut parler de Amaury Guichon, un chocolatier qui a remporté, je sais plus quoi, un truc de Top Chef ou un truc du genre. Ouais. Une émission. Mais en même temps, tu dis, ils font pas des chocolats de Pâques, mais le problème des chocolats de Pâques, c'est que c'est à Pâques, quoi, tu vois. C'est-à-dire que le reste de l'année, t'es mais c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Moi, je les prends quand même. Des œufs de Pâques au mois de septembre, t'achètes. Mais s'il y a des œufs de Pâques au mois de septembre, je prends. Mais c'est vrai que c'est ça. Alors, ça, enfin bon, c'est normal. Et tant mieux qu'il y ait une certaine, comment dire, régularité et que avec des éléments forts. Mais t'imagines, pourquoi en fait dans les supermarchés et puis dans les chocolateries, etc., il n'y a pas des œufs de Pâques au mois de septembre? On arrive à avoir des poivrons au mois de février. Pourquoi il n'y a pas de Pâques au mois de février? Ça s'appelle la flemme. Très bonne remarque. Mais il y a quand même. Il y a même des. Il y a des chocolats. Il y a des saucisses en hiver, hein, on pourrait faire un barbecue au mois de décembre. Ça totalement. Aussi, hein. Alors, c'est. T'as du chocolat en décembre. Non mais la différence, Julien, c'est que les saucisses au mois de décembre, effectivement, tu peux te les faire en gelant sur la terrasse, mais c'est quand même moins cool. Alors théoriquement, t'es pas obligé de les faire sur la terrasse. Ouais, enfin dans la salle à manger, le barbecue, ça pique un peu quand même. Mais non, tu mets dans ta poêle. Oui, oui, d'accord. Tu sais, y a pas que sur un barbecue. Alors, oui, alors le problème de la poêle, c'est que les hommes ne peuvent pas faire. C'est quoi ce sexe? Parce que j'ai remarqué, c'est pas du sexisme, mais justement, ça pourrait l'être. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre d'hommes qui se mettent uniquement à cuisiner pour quand il y a le barbecue, c'est-à-dire que les mecs savent pas faire cuire un steak. Ah non, mais une fois dans leur vie, une fois par an. Mais ils sont experts en cuisson mais de viande. Mais en cuisson du barbecue, d'un seul coup, ça fonctionne. Bah ouais. Tu sais pas pourquoi. Dédicace à tous ceux qui font des barbecues. Mais j'ai une théorie. Non. J'ai une théorie pour oui, ça. Vas-y. J'en ai une aussi, on va voir si c'est la même. Moi, par exemple, chez mes parents, classique, alors ils sont pas trop. Enfin, mon père est pas trop bercé dans le sexisme et dans le machisme et tout ça. Ouais. Mais c'est quand même lui qui fait le barbecue. Ah bah oui. Pour une raison assez particulière. Enfin, pas si particulière que ça. C'est que ma mère, avec le feu. Elle est pas très fan, donc s'approcher de la barbecue, c'est feu. Pas trop. Ok. Elle a pas trop peur, enfin, elle aime pas trop ça, mais genre tu vois, une cheminée, pas de problème, elle s'en approche, elle remet du bois. Par contre, du feu sur un barbecue, bizarrement, ça passe pas. La peur du barbecue. Pas. Ouais. C'est une phobie. Peut-être que le barbecue fini. Oui, c'est ça. Ouais. Barbecue attaque. Ouais. Je peux pas dire, je sais pas trop plus que ça, mais. C'est ça. Ma copine aussi, elle aime pas trop le feu quand ça brûle. L'attaque du barbecue, Gérard. Ah ouais. Ils aiment pas quand ça gicle l'huile. D'accord. Mais ça n'empêche, enfin, ça n'excuse pas les hommes qui. Ah non, ça excuse pas du tout. Ne pas savoir faire c'est un cuir steak dans une poêle, tu vois. C'est une théorie. Voilà. Bon, bref, ça c'était moi, la petite partie. J'en ai une autre, une théorie pour le barbecue. Oui, vas-y, Daniel. Oui, c'est surtout quand il y a des copains, ça permet d'aller boire un coup tranquillement. C'est vrai. Tu peux se la péter devant les potes. Tu te réunis. Oh ouais. Non, boire un coup, c'est tout le temps. Non, mais il y a. Là, t'es tranquille. Il y a ce truc, ouais, cette espèce de manie autour du barbecue où tu bois en attendant. Ouais, on est entre potes et les femmes, c'est ailleurs. Ouais. C'est trop violent. Ouais, mais du coup, la chaleur du barbecue fait monter l'alcool plus vite dans le sang. Ah bah aussi. Ouais, mais ça. Mais c'est ça, peut-être ça, pour ça. Ouais. Ils veulent des effets plus rapides. Ça gêne pas Robert, ça je peux te dire. Ah non, c'est justement l'inverse. Ils veulent, c'est pour ça qu'ils le font. C'est voulu. C'est peut-être ça. Mais enfin, voilà, en tous les cas, ça nous donne envie d'être l'été, de se faire des barbecues entre amis. Hein, tout ça. Chocolat, barbecue. C'est tout ce qui manque apparemment. N'approchez pas les chocolats de vin avec du barbecue quand même. Hein. De quoi, Daniel? disais, n'approchez pas les chocolats de Pâques du barbecue. Ouais, ça fait une fondue, quoi. Mais une fondue au chocolat. Ah ouais. Ça peut être sympathique. Et avec le fumet du barbecue, c'est pas terrible. On va parler duo comique dans un instant avec toi, Teddy. On commence par un petit duo, celui du Palmacho, évidemment. T'es un bâtard. Oui, j'ai spoilé. Eh bah ouais, non, mais c'est pour donner envie aux gens d'écouter. Ouais, bah c'est pas faux. On va parler mais du Palmacho. Mais j'allais juste balancer l'intro, moi. Mais vas-y, balance l'intro. Qu'est-ce qu'on écoute? On ça écoute sert à quoi? Ça sert à quoi? Ah, tu veux dire le générique? Mais bah si, parce qu'on a envie d'écouter le générique. Et vous avez tous envie d'écouter le générique du Palmacho. Ouais. Non, mais voilà. Allez, pour le podcast, on coupera. On coupera avant. On coupera. On passe l'intro du Palmacho. Et normalement, vous étiez censé reconnaître. Passer maintenant. D'accord. Bah, je voulais. D'accord. Bah, on sait avant Mia Rose. Bah oui, c'est d'accord. Ça. D'accord. Et bah, c'est effectivement, c'est l'intro du Palmacho. Dernière version. Et Mia Rose, tout de suite, qui reprend Ed Sheeran avec son titre Don't. Don't. Très français, donc. Hein. Ouais, c'est très franglais. Et comment tu dis Indestar en français? Indestar. Non, tu dis Indestar. C'est moche. Indestar, ouais. Mais voilà, c'est une bonne raison de dire Don't. Voici Mia Rose sur Indestar. Parce qu'on est con ou confiné, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Cette émission commence bien, elle commence par une insulte. En même temps, c'est nous qui avons fait les jingles. Merci d'avoir choisi Indestar. Indestar.fr, toutes les applications d'écoute en ligne pour cette émission à la maison du vendredi dernier avant les vacances de Pâques. On parle humour ce soir, on parle humour à plusieurs duos. Ah, ça, c'est le rire d'Amélie de l'année dernière, j'ai reconnu. Ouais. Mais parce qu'on a de l'humour aussi sur Indestar, ou alors des fois, on a l'impression qu'elle en fait des tonnes. C'est... Oui, ça s'entend. Ça ressemble pas du tout à Amélie, ça. Non. T'es sûr? Attends, je crois qu'il faut. Si, il fallait vérifier quand même. Bah, si, ça ressemble. On a des animatrices qui simulent sur Indestar. Qui simulent. Amélie, tu simules. Ah là là. Bon, en tout cas, un des duos récents des années 2010 qu'on a tous suivi sur YouTube et puis c'est passé à la télé. Alors, je crois que c'était quoi? Sur D8 sur, Ouais, la 8 d'abord, après ça a été TMC et là en 2019, enfin le plus récemment, c'est même TF1. Ah, sur TF1 aussi? Ouais, ils ont leur propre émission sur TF1. Je sais plus, je l'ai noté dans mes notes quelque part. Bon, d'ailleurs, faudrait mieux que je prenne mes petites ardoises. En tout cas, il y a un générique qu'on aime bien et qu'on aimerait bien réécouter. Eh ben, on va réécouter cette petite intro. Ouais. J'ai cliqué à côté du bouton. Ça arrive d'être moins chaud. T'as vu ce fail? Ah oui, non, ça, c'était un bon fail, effectivement. Ah ouais. Alors, on a David Marsay, comment il s'appelle l'autre? Grégoire Ludwig. Grégoire Ludwig, oui. Qui est le frère de... Luc Diggs. Genre il a un frère qui est compositeur et qui fait notamment la prod des chansons que tu vas certainement passer. Mais leur prod, il s'appelle Jonathan Barré. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il est complètement barré. Ouais. Le mec est barré. Non, mais il fait des prods pour eux en tout cas. Et il est compositeur de musique. D'ailleurs, ils ont même fondé leur boîte de production hein, qui s'appelle Blagbuster Production. Blagbuster, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien trouvé. Ouais. Donc, ils se sont rencontrés au collège. Ouais. Ouais, des jeunes collégiens qui se sont mis à faire des petits sketchs comme ça, assez amusants. En la cour de récré. Ouais. Ils ont mis ça sur internet, hein, donc sur YouTube, sur Dailymotion. Mm-hmm. Ils ont peut-être pas trop percé à ce moment-là. Peut-être pas. Bah, bon. Parce que c'était en quelle année ça s'est tourné? Bah, au collège, donc ouais, forcément. Collège, ouais. Ça devait être amateur, même en termes de caméra, etc. Oui, je pense. Mais j'ai même pas vu de vidéo de cette époque-là. Non, parce que attends, tu dis, ils ont quel âge? Pour moi, ils ont la trentaine, ces gars-là, non? Oh, je pense un peu plus. La quarantaine, je dirais. Ouais, maintenant la quarantaine. Donc en fait, au collège, il n'y avait pas encore Dailymotion ou YouTube. Ça n'existait pas. Pour moi, leur premier truc succès qu'ils ont fait, c'était en 2003. Donc forcément, c'était encore avant. Ouais. Ils ont fait des petits sketchs et tout, mais c'est genre. C'était sur MySpace. Peut-être. Ah. Non, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi Palmacho? Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle le Palmacho? Il y a Palme dedans. Jusque là, ça va? Ouais. Il y a chaud comme. C'est un rapport avec Pierre Palmade? Ah, ça pourrait. Hein. Figure-toi que je me suis toujours. Au départ, c'était le pas mal chaud. Pas mal chaud et après ça s'est après je l'ai bien lu en Palmacho. Ouais, après j'ai compris que c'était le Palmacho. Alors j'ai compris que j'étais dyslexique. Palmacho, alors pourquoi Palmacho? Palmacho en fait ça vient d'une contraction de deux mots. Donc chaud, ça vous l'avez trouvé, c'est parce qu'ils aiment bien faire le chaud et tout ça. Ouais. Et du mot palmarès, c'était le groupe. Enfin c'était le nom du groupe de rap de Grégoire. Ils avaient un groupe de rap. Bah juste Grégoire. D'accord. Il s'appelait Palmarès. Il s'appelait Palmarès. Wesh, Palmarès, dans la place. Palmarès, wesh. Show, Palmacho. Ah ouais. Et t'as trouvé une chanson du groupe de rap, non? Non. J'ai même pas cherché, j'avoue, j'ai pas envie de chercher. Je pense qu'ils ont vidé Internet pour pas que ça se retrouve. Ah ouais. Ça pourrait être marrant quand même, mais on essaiera de trouver ça. Parce un que jour, c'est du rap de collégien, quoi, en plus. Ah bah ouais, ça doit être du rap de garage, comme tu dis. Du rap de garage. Ah bah ouais. Bon, je connais le rock garage, mais le rap garage, donc c'est le rap cave. Le rap cave. Bon. Ils se rencontrent au collège, ils font des petits sketchs, c'est assez marrant. Il participe à des concours. Il dit c'est assez marrant, mais il a pas vu le sketch. Ah non, je dis c'est assez marrant. Il s'amuse bien. Ah cas, oui, d'accord. Au moment, okay. Il s'amuse. Ouais. Voilà, c'est la joie. Enfin, ça sera toujours la joie parce que leur carrière a fait que monter en fait. Mm-hmm. Sauf peut-être là parce que Covid. Sur TF1. En même temps, ah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es sur TF1, t'as tout gagné quasiment. Ouais. Bah bref, la roue de la fortune, tout ça. Là, bon. Au début de leur carrière, c'est en 2003, ils commencent par un petit festival, un festival étudiant au Palais des Glaces à Paris. Mmh. Ils présentent un de leurs sketchs. Ils gagnent le festival à l'unanimité. Alors, il y a le jury qui vote pour eux et il y a le public qui vote pour eux. Ils ont tout gagné. D'accord. Ils ont tout déchiré. Chouette. Donc, suite à ça, ils se lancent dans la radio. Mmh. Pourquoi je sais pas, mais parce que tout le monde se lance dans la radio. Faut croire, c'était l'époque. C'est comme ça. Sauf qu'ils se lancent sur Yveline Radio. Yveline Radio, ça existe? Mais c'est LFM. Moi, je connais LFM dans les Yvelines. Ah non, c'est mais... Y. D'accord. C'est YR. Okay. Bon. Enfin, non, je sais pas. Mais c'est Yveline Radio. Je me demande pas où c'est. Bah les Yvelines, si, c'est en banlieue parisienne, t'as dit. Ah, vas-y. voilà. Ils sont sur Yveline Radio mmh. et vont même prêter main forte à l'équipe de Fun Radio de l'époque. Ouais. Ils vont leur écrire des sketchs. Donc comme quoi ils passent dans le Fun Radio de l'époque, il y avait comment Ah non, bah non, c'était... Non, il y avait l'émission d'Arthur, comment ça s'appelait, Planète Arthur. Je sais pas, et mais ils devaient leur écrire des sketchs. Et Max le soir et le matin, c'était Bob Isamartin, je crois, à l'époque. Bob Isamartin. Ouais. Bob Isamartin sur Fun Radio. Tous les matins, ça comble pendant que t'es en train de chercher tes infos. Ah ouais. Mais en fait, je te regarde depuis tout à l'heure, vraiment. Dis-moi, Théo, là, j'ai une précision à te faire. Oui. On t'a dit que le sujet c'était l'humour à plusieurs, pas les chansons un peu foirées. Hein. Bon, avec un bon coup d'autotune, ça marche, hein, ton. Ah bah ça, on en parlera tout à l'heure parce qu'ils ont fait des musiques. Oui. Ils mettent l'autotune à fond et ça marche très bien. Très très bien. Les parodies, je vous ferai écouter tout à l'heure une parodie de Maître Gims. Oui. De oui, Gims c'est ça. Maintenant. Bah, bon. Ouais. Vous verrez, ça va être... Non, de Section d'Assaut, je crois. Il était, non, c'était Maître Gims. Ouais, mais il est avec son groupe. Je sais pas dans la chanson. Ah non, si, bah non, si, ils non, sont non, 3 non, ou 4. Non, dans la chanson, c'était Maître Gims, déjà. Oh, je sais plus. Sûr. J'écoute pas de ça, donc. Oui. Bon. Donc, bon, ils font de la radio et tout. Ça, ils s'amusent, enfin, j'imagine. Ça doit être assez amusant de travailler avec l'équipe de Fun. Mm-hmm. En 2006, ils se lancent dans les parodies de films. Donc, pas de musique encore, mais de films. Ouais. Comme Batman, Indiana Jones ou même SDA. Ah, le Seigneur des Anneaux pour les intimes. Ah, oui. Le fameux... Pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente émission, j'ai confondu légèrement avec... Star Wars. Avec Star Wars. Ouais, ouais, même ouais, chose. Ouais. Et il est fier de lui. Mais bon. Il revendique. Ouais, ouais. Oui. Grâce à ça, quand même, ils atteignent des millions de vues, là, sur YouTube et Dailymotion. Uh-huh. Ah, et comment... Là, c'est la notoriété... On est en quelle année, là, rappelle-nous? On est en 2006. Ah oui, c'est vraiment les débuts des plateformes, ouais. Mais ils existent, ils sont là. Ouais, ils sont dans la place, ouais. Donc, en même temps, il y a 3 humoristes sur les plateformes. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, ils font des trucs assez drôles, ils font des parodies, voilà, une ananère. En 2008, là, un tournant de leur vie, ils créent leur propre boîte de production, comme on l'a dit au début de l'émission, ouais. Le Blackbuster, enfin, la Blackbuster... Blackbuster Production. La production. Ce qui permettra justement de coproduire la plupart des choses qu'ils vont faire, hein, mm-hmm. clairement. Mais au niveau professionnel, je sais pas. Je me rappelle hein, de leur tout premier sketch du Palmacho, qui était une parodie de, je sais plus, d'une émission télé, je crois. Alors, ça dépend ce que t'appelles par première. Pas les années collège, hein, mais du Palmacho en tant que Palmacho, quoi. Ils ont toujours été Palmacho. Ah ouais ? Ils le sont toujours. Même depuis le début. Ah ouais ? Ouais, c'est au collège qu'ils ont trouvé ce monde. D'accord. Ils l'ont toujours gardé. Bah moi, j'ai ouais, souvenir. Alors, avant le collège, oui, t'as peut-être raison. C'était pas le palmachot avant CO2, le collège. En CE2, non. Là, t'as peut-être raison. Non, mais... Le palmachot, ça, c'est pas bon en rap, hein, donc... En fait, ils le placent dans tout ce qu'il faut. Ouais. Genre, par exemple... au lieu de changer de nom, bah, ils ont changé En 2010 style. Le premier programme qui est diffusé sur la télé, sur la chaîne D8, ouais. Ça s'appelle La folle histoire du palmacho. Ouais. C'est plein de sketchs, clairement. Mm-hmm. Machin, ça fait un carton plein. Il recommence ensuite... Je sais même plus si c'est mais quelques pour années. Moi, ça, parce qu'il y avait déjà eu le succès avant... Comme bah, le succès disais, sur Internet. Ouais, voilà. Et en fait, dans les folles histoires du palmachou, ils reprennent des sketchs qu'ils ont déjà fait. Ils reprennent et mettent un peu d'innovation pour voilà. Passer à la télé. Et ouais. Puis pour que ça fasse une sorte d'histoire, quoi. Spérante. Avec des trucs. Ouais. Un peu à la, on va en parler tout à l'heure, mais des Inconnus ou les Nuls à l'époque où c'est un ensemble de sketchs. Et ouais. Si tu regardes, il y avait la télé des Inconnus, etc. En gros, quoi. Là, dans la folle histoire du palmachou, en théorie, ils parodient les envers du décor de la télé du cinéma. Ouais. En gros, ils ont été embauchés par la chaîne, mais ils se sont trompés d'humoriste. En fait, c'était qui était embauché, du coup ils essaient de combler voilà, ça fait une petite histoire comme ça. Il y a un fil conducteur, il y a un scénario, ouais. Et c'est assez marrant, ça cartonne. Oui. Bon bah vas-y, on va pas s'arrêter là, on va lancer autre chose. Il lance le Very Bad Blague. Oui. Qui était c'était des sketchs assez courts, le Very Bad Blague. Il y a plus de 200 sketchs, ouais. Et c'est sur 2 saisons. Il y a de quoi se marrer, clairement. Oui. Alors, tu sais pas situation... quoi faire. Et avec cette situation, il y a des sketchs qui sont autour. Ouais, généralement. Ouais. Avec des personnages et tout. Ouais, bah oui, je me rappelle d'un sketch, genre, ils jouent les flics. Genre, il y a un cadavre. Bah, à chaque fois, ils font l'entrée des flics, genre les flics à Miami. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on prend... C'est la même scène qui est répétée plein de fois. C'est en fait, ça, c'est mais ça. Avec d'autres styles, d'autres humours. D'autres répliques, ouais. Bah, ou celui qu'on a regardé en off tout à l'heure, j'ai fait une connerie où il y a encore une histoire de cadavre. Oh, d'ailleurs. C'est trop marrant, les cadavres. Qui est excellent, voilà. Il y a avec une histoire de quiproquo, etc. Et il se passe plein de choses. Very Bad Black, donc c'est plus de 100 millions de vues quand même sur YouTube. Ouais. Ouais, ça pèse dans le game, je dirais. Hein. Ah bah, 100 millions de vues, oui, tu commences à avoir une certaine notoriété. Ouais. Ça va. Ils enchaînent justement avec des succès comme un Prime. Oui. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, Prime. Un Prime, mais ça a l'air d'être important. Ah bah, quand t'as un Prime, oui, c'est important. Ouais. C'est un direct télévisuel à 21h, quoi. Ah bah, c'est ça. Bah, ils ont fait un Prime avec les folles histoires du Palmachot, j'imagine le 2. Mm-hmm. Ils ont fait le folle histoire du Palmachot 3. Ils ont aussi une petite pastille. Alors, ça non plus, je ne sais point ce que c'est, mais j'imagine que c'est un petit truc, un petit sketch, oui. À la fin d'une émission. À la fin d'une émission ou pas forcément, ça peut être. Ça peut être entre deux programmes, quoi. C'est un programme hyper court. Ah, bah oui, donc du coup, c'est dans une émission, c'est une petite pastille, c'est une petite rubrique, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, le can off. Ouais. J'en ai vu des extraits, mais je sais toujours pas ce que c'est. Enfin, je savais pas ce que c'était une pastille. Le can off, en fait, il faisait des parodies des films qui n'ont pas été sélectionnés au Festival de Cannes. D'accord. Ouais, c'est marrant, j'avoue. Tu parodies les films qui sont pas sélectionnés. Oui, mais c'est bien. Mais d'une certaine manière, ça permet de mettre en avant ces programmes-là. Ouais. C'est bien pensé. C'est un peu les stars de la télé. Il y en a beaucoup qui sont pas sélectionnés quand même. Hein, donc, ouais, c'est clair. C'est Et est-ce qu'il décerne une palme de celui qui est pas sélectionné du coup ? Il décerne une palme à chaud. Une vraie palme. C'est au bord de la mer, c'est pratique à Cannes. Et deux, si tu. Deux, c'est mieux quand même. C'est vrai. Une palme, tu tournes en rond. Et on arrive enfin à 2019 où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, ils ont carrément une émission en prime time. Ouais. Encore une fois. Ils ont sorti un film quand même avant. Ils ont sorti un film. Ouais, mais attends, ils ont fait d'autres trucs entre temps. J'ai pas tout dit. Ah oui, t'as pas. Oui, parce que oui. Toute leur carrière, ils ont fait des films. Ils ont fait beaucoup de collaborations avec d'autres humoristes. Kad, Jamel, enfin, je sais plus. Enfin, toute une liste, hein, clairement. Oui. Ils ont participé aussi avec un festival qu'a fait Florent Foresti. D'accord. Ça tournait autour d'elle, un truc du genre. Ils ont participé au festival de Montreux, ouais. Aussi, une fois. Montreux Festival, évidemment. Ouais. Plus grand ce truc pour, au monde. Pas pour moi. Non, mais c'est un bon révélateur de talent, ouais, le Montreux Festival. Pour moi, c'est au monde. D'accord. Il n'y a pas mieux que le festival de Montreux. Pour Teddy. Tu passes là-bas, t'as gagné ta vie. Enfin, t'as réussi ta vie. Non, mais vous savez qu'on a un point commun quand même avec le palmachot. Ah, je pensais avec le festival de Montreux. Vas-y. Non, c'est que nous aussi, on passe en prime time, là, ce soir. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Sauf si vous écoutez cette émission en podcast. Ah, oui. Et du coup, c'est plus vraiment un prime time. C'est plus vraiment du prime time. Ouais. Mais bon, vous pouvez quand même... c'est pas très grave si c'est en prime time. Vous pouvez quand même écouter Indestar, votre podcast préféré, sur indestar.fr ou sur votre plateforme de podcast préféré. Comment qu'il s'est rattrapé? Par exemple, si j'ai Podcast Addict, je peux, t'es dit? Si tu as Podcast Addict, tu peux. Ah. Si tu as Spotify, tu peux. Ah. Si tu as Moi, Deezer, je suis abonné à Deezer, moi. Ouais. À Deezer, tu peux. Ah, bah, super. J'en ai plus d'autres en stock. Ouais, bah, mais... passe à 11h, hein, c'est peut-être... Voilà, le sketch est terminé, Daniel. En attendant, personne me l'a dit. Le prime time du Palmachot sur TF1, le premier lancement qu'ils ont fait, ils ont battu quand même des records, enfin, leur record personnel, en tout cas, de téléspectateurs. Ils ont fait 4 120 000 téléspectateurs. Sur TF1 ? Ouais. Ah, c'est un bon score, ouais. C'est un beau score. Mmh. Ils ont monopolisé 19%. Alors, j'ai pas compris très bien les chiffres, mais bon. Ils ont fait 19,6% de PDA. De part de marché. Et ben voilà. Juste avec cette soirée-là, ils ont fait ça. Ça fait un sympa. Ça part d'audience, quoi. Mais oui, non, c'est excellent. C'est une bonne TVA, quoi. C'est excellent. Ouais. Bah, comme un des stars, hein, nous, c'est pareil, on fait ça tous les soirs. Hein. Oui, alors, ouais, mais nous. Une on... des stars, mais ouais. Mais évidemment, sur l'ensemble de la radio, hein, on est à plus de 40% de part de marché. Mais les fun, l'énergie peuvent aller se rhabiller. Ah, hein. Bah, c'est, ouais, ils sont on tous les nuls, défonce. Exactement. D'ailleurs, voilà, voilà. En parlant de ça, oui, il hein. y a un truc qui vénère. Enfin. Qui énerve en tout cas le Palmachot, et ils ont voulu en faire une musique, ils ont fait une parodie de Maître Gims qui s'appelle Ça me vénère. Ah bah oui. On va s'écouter ça, parce qu'on va s'écouter, c'est beau. On va s'écouter, ouais. C'est beau. C'est... Ouais. Écoutons. Elle est énorme. Ah ouais. Allez, c'est parti, si je la retrouve, parce que comme d'hab, je la retrouve pas. Trop de son. Un masqué et Maître Gims. Maître Gims. On retourne parce qu'on revient, et ainsi de suite. Y'a trop de trucs qui m'énervent sur Terre. Les chômeurs sans travail, les orphelins sans père. Plus rien ne tourne rond et personne peut l'admettre. Et ça me vénère, dis leur maître. Ça vénère quand je marche en chaussettes dans la salle de bain. Et qu'il y a de l'eau partout, je fais ça tous les matins. Je tire mal mon rideau qu'à des motifs indiens. Oh ça vénère, oui ça vénère. Ok maître, je te comprends mais je pensais pas à ça. La voix de Maître Gim, c'est plutôt bien retranscrit. Ouais, clairement. Les familles déchirées, ça me vénère. Dis leur maître, je peux plus respirer. Ça vénère. Quand je me cogne le doigt de pied sur le coin du lit. Ok. Quand je commande un cheesecake et qu'il n'y a pas de coulis. D'accord. Quand je repasse mes t-shirts et que je fais les plis. Oh ça me vénère, oui ça me T'as vénère. T'as raison mais une fois de plus c'est parce que je voulais dire. Et genre ils avaient refait le même principe un peu plus tard avec la parodie de Aya Nakamura aussi. Sur toi, ouais. Cette fois-ci, ouais. Avec ça les Jaja. Jaja. Non. L'autre. Ah non Jaja. Jaja. Je sais pas construire le jouet. Quand il fait chaud avec mes lunettes sont pleines de blé. Oh ça vénère, oui ça vénère. Je suis d'accord mais je vais recentrer. Donc ça me vénère, ouais. Effectivement. C'est pas fini, ah, parce qu'il le coupe. D'accord, bon on écoute en ça. Mais bien sûr qu'on le coupe. Quand je vais à l'Istec, je vois pas d'algo. Oh ça me vénère, oui ça vénère. Quand je fais des beaux fléchés, qu'un mot rentre pas. Quand j'entends le refrain de la chanson Bélair. Oui, mais non, c'est vrai que cette chanson, c'est moi. Je vénère. Y'a beaucoup de trucs qui te vénèrent, Grims. Ouais, je suis vénère, super vénère. Tu vois ça. Et puis tu chantes fort. Ouais. Ah mais c'est excellent. Excellent. C'est vrai qu'il est bien. Franchement, je vous conseille, il y a plein de... Le clip est vachement bien aussi. Mais oui, parce carrément. Qu'en plus, même le clip. Il est vraiment. Ils l'ont bien maquillé pour qu'il ressemble le plus possible à Maître Gims. Ouais, la voix ressemble. Quand tu vois le clip. Tu t'imagines Maître Gims qui essaie de construire son jouet qui n'y arrive pas et ça c'est juste énorme. Ah ouais, ce que j'adore c'est quand il se cogne le doigt de pied contre le lit. Je sais pas pourquoi j'adore ce passage. Mais ouais, ils ont fait des parodies géniales comme tu l'as dit, une d'Aya Nakamura. Ouais. Ils ont fait aussi une chanson sur les monos de ski. Oui, ah bah ils ont fait plein de chansons, ouais, enfin avec des artistes un peu dans une thématique, ouais. lors de leur émission sur TMC ou sur TF1. La folle histoire de Palmage. Ouais, où il y a des notamment, c'est quoi, c'est Top Clip ou quelque chose comme ça, où il y a des extraits en fait des meilleurs, comment ça s'appelait les émissions Top Musique ou je sais pas quoi à l'époque, où on voyait les Hit Machine, le Hit Machine par exemple, où on voyait le top 5 des clips les plus en vogue. Et ils ont fait les parodies de ça. Et il y a les parodies de ça, ouais. C'est totalement. Mais ils ont fait des musiques. Ils ont fait aussi une parodie de la Reine des Neiges. Ah oh, merde. Ça s'appelle Le Prince des Neiges. Mais elle est excellente, elle est... ce truc. Oui. Elle est très très bien. J'ai hésité à la mettre. Franchement, j'avoue. Non, on va pas le faire. Mais c'est-à-dire que si on avait des extraits de 2 minutes 8 à chaque fois, ça ferait peut-être un peu long. C'est pas que des extraits, ouais. C'est clairement pas des extraits. Mais bon. On se tape un délire, on le met en entier. En tout cas, ouais, ils ont fait des excellentes parodies et leurs sketchs sont tout aussi excellents. Si vous connaissez pas le Palme Macho, il y a du rattrapage dans l'air. Hein. Bah ouais. Non, mais ce qui est cool, c'est que vous allez sur YouTube et vous retrouvez tout ce qui est Very Bad Blague et puis les sketchs du Palme Macho. Prévoyez un peu de temps quand même. Ah bah, si vous faites les 2 saisons du Very Bad Blague, ouais, vous avez un peu de temps parce qu'en plus, YouTube. YouTube te suggère la suite. Ouais, donc, ah ouais, non, mais clairement. C'était vraiment un extrait. Hein. Oui, c'était qu'un extrait de ce qu'ils ont fait. Ouais, ah bah clairement. Oui, c'est oui, ouais, ouais, ouais, un échantillon. Pas de problème. Ça pour ça. Un des plus grands échantillons. Oui. Enfin, des plus grands. Un des plus sympas en tout cas que j'adore. Bref, revenons-en au fait, parce que bref, ça veut dire ça. Ah bref, ça veut dire bon, revenons-en au fait. Oui, mais moi ça me rappelle un autre humoriste, mais il est tout seul, donc on va pas en parler ce soir. Ah merde, lequel? Bah Kev, comment il s'appelle? Kev Adams? Non, mais... tu m'as fait peur. De Bref? Comment il s'appelle le mec? C'est de qui, Bref? Julien? je connais aussi, mais alors son nom... Ah, le mec de Bref, non. Il s'appelle comment? Bah, attends, je vais taper sur mon Google le mec de Bref. Je sais pas. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est que ce soir, j'ai présenté pas ma show, mais tu vois, mais j'ai hésité avec l'Hollywood. Kianco Kojandi. Mais bien sûr qu'on le connaît, évidemment. Pff, ouais. Ah, oh bah oui, ici. C'est, non, alors, c'est le, pas de nom, c'est le mais alors de tête. Ça. De tête, oui, il est chauve. Ah, bah c'est vrai, ouais, c'est ouais, ouais, c'est un chauve. Non, mais on le connaît sans doute de tête, mais alors de nom. Ouais, non, mais c'est, pour moi, c'est le mec de Bref, quoi. D'ailleurs, il y a une parodie de Bref. Bref, je vais à Dynamite Game, je vous conseille de la regarder, c'est pas mal. Promo pour le magasin. Excellent. Pas mal, pas mal. Mais ouais, ça avait marqué les esprits, ouais. Revenons sur le Palme Macho, ouais, tu disais, il y avait. J'ai hésité à faire le sujet, enfin, j'ai fait le sujet sur le Palme Macho, mais ouais. J'ai hésité avec un autre groupe d'humoristes qui s'appelle l'Hollywood. L'Hollywood. Que je vous encourage aussi vivement à aller regarder parce que. T'es sur TF1? Non, ils sont pas sur TF1, mais ils sont. Sur YouTube. Pour moi, ils sont sur Facebook, après, ils sont sans doute sur YouTube, forcément. Ah ah. Ils cartonnent. Enfin, pour moi, ils ont fait le buzz de l'euro. Ouais. Je sais pas si. Enfin, quand on a gagné la Coupe du Monde. Ah, avec la reprise de Francis Cabrel. Exactement. Ouais. Donc, je suis sûr que vous connaissez la musique. Bah, tu me l'as fait écouter tout à l'heure en antenne, donc oui. Maintenant. Ah, il y a deux musiques qui ont cartonné pendant l'euro. Il y a celle-là et Sébastien Patoche. Ah oh, mince. Ouais. Ouais, mais que des parodies. C'est les parodies qu'on cartonnait mieux. Quand il trouve son slip, non. Non, c'était autre chose. Non, c'est pas ça qui a marché pendant l'euro. Ouais, bon, ouais, il a dû faire un autre Sébastien Patoche, quoi. Ouais. Déjà bah, qu'au vrai, voilà, ça peut être une parodie. Alors le faux. Ouais, mais une parodie d'une parodie, ça donne une super parodie. C'est pas oh, aussi, c'est marrant. En plus, c'est un mec qui fait de la radio. Sébastien Patoche. Ouais. Ah oui, si, je sais, je crois, oui, dans la bande de Koé ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Je sais plus que... Oui, je sais plus. C'était pas Cartman ? Si, c'est Cartman, c'est Cartman, voilà. Ouais. Ouais, c'est... Ah, je le confonds toujours avec Vaché de Fun, mais... Ouais, non, c'est ouais, pas... ouais, ouais. Surtout les deux chauves. Cartman. C'est pas fou. Tout le monde est chauve. Les meilleurs, c'est les chauves. Tu veux réussir dans l'humour, sois chauve. Exactement. Conseil de manager. Est-ce qu'on écouterait pas un peu de musique, bah, un peu de vraie musique? Carrément qu'on va écouter de la vraie musique. On va écouter Foot Zeta avec Pavia ou Chinese. Et on va parler de Eric et Ramzy, un autre duo comique, dans un instant. Avec toi, Julien. Yes. Yes, ça se passe uniquement, seulement, sur Indestar. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Votre émission à la maison du vendredi jusqu'à 23h hein, sur indestar.fr. Pour suivre, c'est très simple, nous allons parler humour ce soir, donc voilà, il y a des vannes à non, tous pardon. Les étages. Ouais, ouais. À tous les étages, une bien belle expression des années 80. T'es monnaie. Duo, bah non, mais justement, on en parle des années 80-90 parce que bah, il y a eu pas mal de duos, j'ai remarqué en faisant un petit topo, notamment dans le quiz qui aura à la fin de l'émission, qu'il y avait beaucoup de duos comiques. Dans les années 90. Moi, je connais Frère Taloche. Ouais. Des années 90. Ouais, très bien. Ouais, mais il y a Chevalier Laspadès aussi. Il y en a eu énormément, ah, dont oui. Eric et Ramzy, qui ont commencé dans les années 90. Ce qui tombe plutôt bien, parce qu'on va en parler maintenant, d'Eric et Ramzy, avec toi, ouais. Julien. Ouais. On a un petit générique, tiens, comment on appelle ça, série sur Canal+ à la fin des années 90 avec Eric et Ramzy. C'est d'ailleurs la série qui les a révélés au grand public, c'était ça. Alors ils sont bûcherons. H. Ouais. Non, ça se passe dans un hôpital. Ah, ils vendent pas de la poudre. Non, c'était dans une autre série, ça. Ah bon, d'accord. Donc ça, c'est en 98, hein, le début de H. J'avoue que je le trouve un peu pourri, comme général. Ouais, bon, après, le visuellement, il est pas ouf, hein, mais bon, il est mythique. D'ailleurs, mais, c'était sur Canal. Ouais, ouais, sur Canal, ouais. Ah, c'est vrai que je l'ai pas vu. Exactement. Je crois que c'est sur Netflix maintenant en plus, non? Ça doit être dispo en streaming, il me semble. Oh, où est-ce possible. Que je les ai vus? Ouais, c'est, si, si, si, t'as raison. Oui, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Je crois qu'ils sont. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, t'as raison parce que j'ai tout regardé récemment. Je me suis refait les. Je crois que c'est 4 saisons de H qu'il y a. Ouais, c'est très long. Et. Non, c'est très bien. Et du coup, ouais, je crois que c'est sur Netflix effectivement que je les ai regardés. Mais bien évidemment, ils ont pas fait que ça. Ils ont pas fait que ça, Julien. Ben non. Mais déjà, est-ce que... Alors, tout le monde dit Eric et Ramzy, mais est-ce que vous savez comment ils s'appellent? Alors, Eric Judor. Eric Judor, ouais. Ouais. Eric Judor, ouais. Ramzy... Et Ramzy Bedia. Ouais. Yes, bah t'as tout bon, Daniel. Et il a une sœur aussi, Eric même. Eric Judor et Ramzy Bedia. D'accord. Et donc, bah... Et j'ai gagné quoi? Rien. Le droit de te taire. Oh, merde. Le droit de rester jusqu'à la fin de l'émission. Bah on a parlé de H. Bon, effectivement, c'était un gros succès avec Jamel ouais. sur Canal et puis maintenant sur Netflix. Mais ils ont fait aussi des films. Okay. Et dont l'un de mes films préférés. Il y en a plusieurs, mais celui-là en fait partie, la Tour Montparnasse. Ah ouais, Tour Montparnasse infernal, ouais. Ouais. Voilà, qui est juste leur meilleur film, quoi. C'est, ouais, alors. Il y a plein de références, il y a plein de. Il y a plein de choses. Après, c'est vraiment l'humour. Comment on pourrait appeler ça c'est gras. Stupide. Ouais, c'est de l'humour gras, l'humour stupide, ouais. Ouais. Ouais. Faut vraiment prendre ça au second, troisième ou cinquième degré, quoi. Mais, ou au premier. En gros, tu regardes ça, tu poses ton cerveau. Ah bah oui. Et voilà, c'est tout. Ouais. T'as des contraintes. J'adore la scène quand il est accroché à un tuyau. En fait, ils sont en haut d'une tour. Oui. Et il y en a un des deux qui a accroché un tuyau de. Parce qu'ils sont laveurs de vitres, en fait. Exactement. Et ils sont à l'extérieur de la tour. Hein. Et ils secouent. C'est l'histoire de deux laveurs de carreaux. Ouais. Qui sont sur la tour Montparnasse infernale. Et en fait, il y a un braquage qui se passe dans la tour Montparnasse où il y avait une grosse réunion, voilà, où ça parle chiffre avec des actionnaires, etc. etc. Mm-hmm. Et donc le PDG de la grosse société. Et il y a une bande de braqueurs qui vient récupérer le magot qui est caché dans la tour et ils ont besoin justement du PDG pour ouvrir le coffre. Donc là, vu qu'il faisait la réunion ce soir-là, impeccable. Ils ont besoin de Sauf que il y a Eric et Ramzy qui étaient pas prévus. Non. Qui vont tout faire capoter. Ouais, parce que en fait, eux, ils veulent sauver la fille hein, à la base. Hein. Ouais. Ils en ont rien à faire. Alors que c'est la fille qui mène tout. Quoi. Alors que c'est la fille qui se Marie-Joël. Faut pas spoiler, mais. Oh, c'est pas un spoil à mon avis. C'est hein. vrai qu'après 25 ans. Mais oui, c'est la fille qui mène le truc. Mais bon, et eux, ils sont teubés, hein, les deux. Donc, donc ils vont tout faire pour aller sauver la fille, mais bon, il s'avère que c'était le mauvais choix. Et il y a des blagues, il y a des trucs. Ah, bah, mais ça, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est de toute beauté. Faut le regarder. C'est de toute beauté. Alors, pour la petite histoire, moi qui ai été visiter la tour Montparnasse, ouais, à la défense. Chaque fois qu'il le regarde, je m'imagine un peu certains endroits dedans. J'imagine être dans le film. Ah ouais, bah oui, non mais alors si vous allez travailler à la défense tous les matins, voyez, vous la voyez la tour Montparnasse. Peut-être même que vous travaillez à la tour Montparnasse. Peut-être que vous êtes laveur de vitres. Peut-être que vous êtes laveur de vitres. T'as été travailler à la défense. Non mais en vrai, il y en a hein, des laveurs de vitres à la tour Montparnasse. Tu dois trop te sentir dans la tour Montparnasse infernale. Il s'appelle Eric et Ramzy, forcément. Ah, si tu t'appelles Eric en plus, là, ouais, vraiment, t'es dans la merde. Et donc du coup, dans le film, il y a pour ouvrir le coffre. Il y a plusieurs étapes. Et il y a une étape, il faut qu'il récupère une main. Oui, il y a l'empreinte d'abord. Petit extrait, j'espère que vous allez pouvoir entendre. Alors vas-y. Alors attention. Avec le téléphone. Sinon, je tire une balle dans la tête à la main. Ouais, on a entendu. Vous avez entendu. Parce qu'ils ont besoin de ils la main. Ils prennent la main en otage ouais. pour qu'ils ne puissent pas ouvrir le coffre et récupérer de l'argent en même temps. Ouais. Parce que de base, en fait, cette main, c'est la femme du président de la tour. Mais en gros, ouais, ils ont besoin de son empreinte pour ouvrir le coffre. Oui. Donc, et donc, bah, les voleurs, ils ont carrément coupé la main. C'est bah, plus oui. pratique. Bah, c'est... Ouais, c'est ça. Sauf que... S'il l'a emmené en même temps, ouais. oui. Et comme par hasard, c'est notre duo de comique qui a récupéré la main et il menace la main. C'est trop bon, ce passage. Ah. Il se la met en collier autour du cou. Il dit, oh, c'est un porte-bonheur et tout. Ouais, bah oui, oui. oui. c'est un porte-bonheur chinois. C'est tellement glauque, mais tellement bon. C'est quoi ta scène préférée, toi, Julien, dans ton Montparnasse? Ah, c'est... elles sont toutes tellement bien que... Ah, je sais pas, c'est quand il veut récupérer Marie-Joël, parce qu'il y a des petites références aussi dans Marie-Joël, le film. Marie-Joël, déjà. Il y a une référence à un moment à Matrix. Ah bon? Donc ce serait ce passage-là où... ouais, en fait, il y a un des cambrioleurs, on va dire ça comme ça, des kidnappeurs qui tirent sur Eric, et Eric se met comme dans Matrix ah oui, en position arrière, il se courbe, ouais. et on voit les balles au ralenti qu'il frôle. Ah oui, c'est vrai. Voilà, oui, c'est vrai, exactement, ouais. comme dans Matrix. Ah, ouais. Excellent. C'est comme il y a aussi un moment, une parodie d'un combat contre Bruce Lee. Oui. Mais ouais. la tour Montparnasse infernale, c'est sorti quand? C'est le début des années 2000, ça, c'est ça, 2001, quelque chose comme c'est ça. 2001. 2001, ouais. Donc ouais, c'était 2001, ouais. on était 2 ans après Matrix, quoi. Ouais, effectivement, c'était encore dans The Move. Ah ouais, ils ont fait fort. Ah bah oui. Ils ont fait fort. Bon, après, ils ont fait d'autres films qui n'étaient pas forcément ouf. Ouais. aussi bien. Voilà, il y a eu Double Zéro qui n'était ouais. pas trop mal, une parodie de oh, ouais. une parodie de James Bond. Ouais, ouais. Ah, moi, il y en a un qui m'a mis mal à l'aise, qui est plus récent. Hein. Comment il s'appelait, le film? Ah, bah, bravo. J'ai oublié. Les Dalton. Non. Ah, ils ont fait les Dalton. C'était ouais. pas les Dalton. Il paraît que ouais. les Dalton, c'était les Dalton, bien pourri. Ouais. Mais non, je l'ai pas vu, les Dalton. Non, il y en avait un autre qui était pas drôle, en fait. Seul tout? Non, c'est pas ça. Il y avait un truc où il boit du lait. Wow. Je crois que j'ai pas vu du coup. Un film où il boit du lait. C'est une pub, ça. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Cette bouteille de lait, c'est ça la pub qui boit du lait. Et bah, non, mais en fait, si tu veux, alors le rapport est pas mal fait. C'est-à-dire, c'est un petit peu, tu sais, les bandes de jeunes, plutôt que de se saouler avec de l'alcool. Du coup, là, le truc hype, c'est de boire du lait. Donc voilà. Mais c'est pas dans Halal Police d'État. Je crois pas. Je vais vous retrouver ça, hein, mais c'est un film. Honnêtement, tu te sens un peu mal parce qu'il est pas. Tu comprends pas trop en fait ce qu'ils ont voulu faire passer comme message. Y a un c'est malaisant. Aussi, quand tu regardais la télé, quand j'étais jeune, en tout cas, tu regardais la télé. Des fois, tu voyais des pubs. Hein, ça existe. Enfin, si, il y en a sur YouTube et tout ça, mais c'est pas les mêmes pubs qui passent à la télé. Ouais. Comment dire? Eric Judor, il a fait des pubs pour, je sais plus si c'est EDF ou une compagnie EDF, d'énergie. Oui. Ouais, c'est EDF. Ah oui, exact, oui. Je comprenais pas au début, EDF. Je me suis dit, qu'est-ce que fout un humoriste dans une pub? C'était même pas drôle, enfin je comprenais pas forcément. Ouais. Bah ouais, en fait c'était juste pas drôle. C'était juste de la pub. Le film c'est Steak. Steak, ouais. Ah oui, ouais. Voilà. C'est l'un des moins bons qu'ils ont fait. Ouais, il est sorti en 2007. Ouais. Attends. Honnêtement, j'ai pas kiffé celui-là. Ah ouais? Steak, ouais. Ah oui! C'est peut-être parce que tu kiffes celui-là! Vas-y! Attends, non, j'enlève la musique d'abord. Vas-y. Steak! Voilà. Merci. Bah, ça, c'est un bon steak! Ça, c'est un bon steak, tu vois. Ça, c'est du steak ça, c'est... à point. Voilà. Steak! C'est du charal! Il y a celui-là aussi. Il y a une variante. Steak! Ouais, bah, effectivement. Ça. Aussi, à Indestar, on a du steak. On s'est envoyé du steak. Bah, on s'est envoyé du steak, exactement. De toute façon, après le barbecue de tout à l'heure, c'est normal. Bah, saucisse, steak. Ils ont fait des émissions de radio aussi, Eric et Ramzy. Ouais. Bah, d'ailleurs, on parlait de Fun Radio. Ils ont commencé sur Fun Radio. Ouais. Oh. Ils faisaient le Eric et Ramzy Show. J'ai ouais. ouais. Et c'est de là, en fait, ils faisaient des contrepétries, des jeux de mots, etc. Mm-hmm. Et c'est de là qu'est venu les sketchs qu'ils faisaient ensuite dans leur one man show, enfin dans leur one two show, je sais pas comment on dit. Ouais. Où ils font deviner des mots au tableau. Ah. Et ils bug et oui, voilà. Oui, et oui, ça, oui. En fait, ça vient de là. D'accord. Ok. Ils ont eu ces idées à la radio, du coup. Okay. Ils ont été sur des festivals d'humour comme Montreux, par exemple, parce que je sais pas, j'ai pas souvenir. Non, ça me dit rien. Non, moi non plus. Non, j'ai pas trouvé de trace de. Non, mais c'était avant. Qu'ils auraient fait, ouais. Ouais, c'était avant la hype de tous ces festivals d'humour, hein, je pense. Ouais, c'est peut-être. Ouais. Ouais, c'est... ouais. Ils ont débuté en même temps que Jamel, etc. Enfin, fin des années 90, début des années 2000. C'était les débuts de l'humour, enfin pour moi en tout cas. Non, c'était pas les débuts de l'humour. Pour moi, si, c'était les débuts de. Il y a eu plein de choses avant, t'as dit. Il y a eu plein de choses avant. Mais du coup, cette émission-là, puisqu'on est en train de parler de l'émission sur Fun Radio, c'est ça qui a débouché sur les petits courts-métrages qu'on avait sur M6 ensuite. C'était quoi les courts-métrages qu'il y avait? C'était des sketchs d'humour? C'était des petits trucs de 3 minutes, qui passaient. Comment on appelait ça? Il l'a dit tout à l'heure. Les pastilles, ouais. Les pastilles, voilà, c'est ça. Ah ouais. Pastilles à la menthe, pastilles à la Ramsey. Ouais, mais ça me dit quelque chose, tu vois, mais c'est un souvenir lointain, ouais. Ouais. Donc ça, c'était plutôt début des années 2000. Ah ouais, on était en 96, 98. À l'époque de H aussi, ouais. De toute façon, moi aussi j'ai eu des pastilles, mais c'était des bonbons à sucer. Ça t'a pas apporté le succès, la gloire. Des pastilles pour la gorge. Des pastilles pour la gorge. Ah, c'était peut-être ça. Non, c'est pour la fille du loto, tu sais, celle qui fait le loto est un jeu de la Française des Jeux, tu vois, il faut lui donner une pastille. Ça me fait penser à la pub pour les produits hygiéniques pour les serviettes et tampons. Elle parle comme ça, la fille. Non, elle chuchote. Ah, elle chuchote. Toujours. Parce qu'il faut chuchoter quand tu portes une serviette. Faut croire. Il n'a aucun rapport. Non, mais ça faisait faire. Alors, ce que je viens de dire, ça fait référence à un sketch d'humoriste. Madame Rollman, je sais plus comment c'est son prénom. Mais ça fait partie d'un sketch d'humoriste. D'accord, ok. Vous tapez, vous verrez. On va retrouver les références. En fait, tout ce que dit Teddy depuis le début de l'émission, ce sont des répliques. Ouais. Il faut taper. Il faut taper. Je m'en suis rendu compte, en fait, tout ce que je dis, ça vient d'un sketch d'humoriste. C'est un permis de réplique. Ouais. Bah oui, t'as le droit de. À chaque fois, il paye la SACEM. Audrey, elle serait fière de moi, tu vois, parce que s'il y a quelque chose que je regarde, bah c'est que de l'humour, hein, clairement. Ouais, c'est bien. Je regarde des youtubeurs là, là ça y va. Hein. Ah, ouais. T'es sur YouTube et Facebook et toutes ces plateformes internet. Ouais. Direct. Autre chose sur Eric et Ramzy qu'ils ont fait, Julien? Eh ben, ils ont fait une autre émission de radio. Ouais. Sur Énergie, cette fois, de 2002 à 2003. Ouais. Je connaissais pas du tout ça, j'ai appris ça ce soir. C'était l'émission Ziva Show. Ouais, le Ziva Show, ouais. Ouais. Ouais. Wow. Ziva. Ouais, j'ai écouté rapidement, bon, voilà. Ouais, c'était pas... Bah, c'est resté déjà qu'une saison, déjà. Ouais, c'est... Ça, ouais. Ouais. Ça veut tout dire. Bah, en fait, comment dire, c'est pas que ça aurait pas pu être bien, c'est juste que... C'était mauvais. Un animateur radio n'est pas un humoriste et inversement, tu vois. Ouais, alors je dis pas que pas adapté au format radio. Je dis pas que tu peux pas faire les deux bien, mais en fait, on a peu d'exemples de gens qui font les deux bien. Si tu regardes, c'est pas pour cracher sur ceux qui ont essayé, hein, que ça soit Arthur, Coé, etc. Ils ont fait des one man show. C'était pas. Ah ouais. Arthur ou Coé, ils ont fait des one man show. C'était pas ouf, en vrai. Ça devait être dégueulasse. C'était pas ouf. Ouais. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'en fait, un humoriste va partir peut-être un peu tout le temps en live, quoi. C'était le cas avec Eric et Ramzy sur Énergie. Ça partait tout le temps et du coup, en fait, il y avait pas assez de fil conducteur dans l'émission pour qu'on comprenne quelque chose. Et finalement, t'arrivais comme ça en cours d'émission et au bout de 5 minutes, tu zappais parce que tu savais pas ce qui se passait. Ça partait dans tous les sens et ça avait pas de suite logique. Donc Normal avec Eric et Ramzy, hein. Ça part toujours dans tous les sens. Hein. Ah bah ça part dans on tous les sens. Jamais, hein, à la fin, hein. Mais quand c'est sur un sketch, si tu veux, qui est un sketch internet ou télé, on arrive, si tu veux, à suivre du début à la fin. Mais quand tu tombes sur une émission de radio en revenant du boulot ou peu importe, il faut quand même que t'aies des repères parce que si pendant 15 minutes t'entends le truc et tu comprends que dalle. Parce que t'as pas entendu le début. Et en plus t'as pas l'image à la radio, donc il te faut un suivi, quoi. Donc c'est pas forcément l'idéal. J'ai trop envie de dire un truc trop profond là. On a Théo parce que autrement nous on est incapable de faire le suivi. Heureusement qu'il le fait. Non si quand même si. J'allais dire mais la radio en fait c'est un métier qu'on ne fait pas vu qu'on fait bénévole mais. Mais c'est un vrai métier. Mais voilà. Non mais. En fait, tout est un métier différent. Ouais, quand t'es animateur radio, t'es pas animateur télé. Alors il y en a qui font les deux, mais c'est deux métiers différents qui s'apprennent. Non, mais t'es bien raison. On a, on a un métier de bénévole là ce soir. Bien sûr. Bah, on apprend à faire de la radio. Eh ouais. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire de la radio, allez, promotion. Allez, mais c'est les vacances. Venez. Mais vous pourrez venir participer avec nous à la radio. Ouais. Vous tapez, enfin, vous nous communiquez. Tiens, on a une adresse mail. Comment tu la connais par cœur? En regardant sur le mur, indestar@live.fr. Ah oui, non, tu m'as fait peur. C'est même pas sur le mur. Chercher cette adresse-là, mais c'est la tienne. Ah non, Ah oui, je donne la tienne, moi. Balèque. Numéro de téléphone portable, si tu veux. Ouais. Okay. Alors oui, on peut donner le numéro portable de la radio, évidemment. Alors ça va être compliqué parce que moi j'ai le lampadaire devant. 09 70 407 306. Ça va se fake. On n'utilise même pas les lumières et il y a une lumière devant. Tu devrais le connaître par cœur. Ouais, mais je connais. Il y a un lampadaire. Vous n'êtes pas à l'intérieur s'il a un lampadaire. Non, c'est pas un lampadaire, c'est une superbe lumière LED. Ouais, dernière technologie. Qui gêne la vue. Qui gêne le numéro de téléphone. Pardon, autant pour moi. Donc, ouais, de la télé, de la radio, des séries, des sketchs, ils ont tout fait quoi. Même des pubs pour EDF. Ouais. C'est pas le meilleur passage de sa vie. Non. Mais ils ont fait des trucs mais en duo. C'était que trucs... Eric. Que Eric, ouais. Oh, ouais. Il me semble que Ramzy, lui, il était pas trop. Pub. Non, pas trop pub. C'était que Eric, ouais. Il était pas trop branché. Il y en a un qui m'a marqué dans ses. On peut dire que c'était des sketchs, ses pubs. C'est quand il demande le branchement à EDF et qu'il arrive devant sa maison et qu'en fait, sa maison, il y a que les poutres, je crois. Y a qui ouais, c'est pas alors non, il y a même pas les poutres. Il y avait écrit poutre apparente, mais en fait la maison était même pas une maison. Enfin, il y avait même pas de maison, c'était un terrain vague. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Poutre apparente, oui. Il y avait des poutres par terre, je sais plus où il y avait quelque chose comme ça. Ah, ouais, c'était marrant. Effectivement. Il manquait juste la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Et pour un petit info, Eric était aussi producteur, enfin coproducteur sur co-réalisateur, je sais plus sur la série H à l'époque. C'est possible. Voilà. Ouais, avec Jamel, ouais. Avec Jamel. Bah, d'ailleurs, Eric a beaucoup, après les films, etc., qu'ils ont fait les trois premiers, là, jusqu'au Dalton, ils étaient très, tous les deux, ils étaient très acteurs. Et ouais. Eric s'est plus, après, orienté vers la production, tous les métiers par rapport au cinéma, mais les métiers de l'ombre. Dans l'ombre. Ouais. Alors ouais. Que Ramzy, lui, est toujours resté plus devant la caméra. Dans la lumière. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Eric qui a fait la suite de la Tour Montparnasse Infernale. Parce qu'il s'appelle la Tour de Contrôle Infernale. Ouais. Que je n'ai pas vu parce que. Parce que ça devrait pas être terrible. Non, voilà. Il est pas. Je l'ai vu, il est moins bon. Hein. Ouais. Ça devait faire un flop total. Et donc, parce je voulais que pas me gâcher le premier, donc je l'ai pas regardé. Non, mais t'as raison. Des fois, il faut vaut mieux regarder deux fois le premier plutôt. Ouais, il faut se laisser sur un bon souvenir, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, un bon duo de comiques qui a quand même marqué la fin des années 90 et les années 2000. Donc, Eric et Ramzy. Et petite anecdote, est-ce que vous savez comment ils se sont rencontrés? Ah, au collège. Eh ben non. Non. Sur Mythique. Non plus. Eric a essayé de pécho la sœur de Ramzy. Ah ouais, un truc non comme plus. Ça. Dommage. L'inverse. Ramzy non plus. La sœur d'Eric. Non, ils se sont rencontrés dans un bar. Dans un bar. Ils ont été boire un coup et voilà. Ah, ils ont bu un coup juste comme ça? Ah, ça aurait pu. Ah, ils se sont dit, tiens, on va faire du bon. Il y en avait un des deux qui était au bar et puis l'autre est arrivé et puis ils continuent à discuter. Faut savoir que Eric travaillait chez Bouygues et Ramzy était vendeur aux Galeries Lafayette. Hein. Ah, ouais, d'accord. Donc rien à voir du tout avec la c'est ça. Ah ouais, et non mais comme quoi, voilà, tout plaqué pour se lancer en dans l'humour. En même temps, je rectifie, parce que être vendeur chez Bouygues, faut faire un peu de comédie quand même. Hein. Bah comme tout vendeur d'ailleurs, évidemment, c'est un métier, tu joues un sketch quand t'es vendeur. Hein. Ça fait partie du job. Tu verrais mon personnage quand je vends du pain. Excellent. À mourir de rire. Oui, c'est certainement la blague de boulanger. On va passer un cran au-dessus dans un instant. Non pas parce qu'il y a plus d'humour, mais parce qu'ils sont plus nombreux. Ils sont trois au lieu de deux. C'est l'ancienne équipe de Top Gear. On parlera de Jeremy Clarkson, de Richard Hammond et de James May. Mais avant, on a de la musique et on a un bootleg. Ils sont deux. Pour le coup, c'est Avamax et Justin Bieber, Who's Losing and Who Mood. C'est maintenant sur Indestar dans cette émission à la maison. Aujourd'hui dans Top Gear, je me promène en ville avec une star en colère. Hammond et May font rôtir un poulet dans une caravane. Et Théo va raconter notre histoire de gros débile bedonnant sur Indestar. Et ouais, je vais vous parler de Top Gear et surtout du trio historique de Top Gear, Jeremy Clarkson, James May et Richard Damon, qui sont aujourd'hui sur Amazon Prime dans The Grand Tour. Alors, pour faire une petite histoire sur Top Gear quand même, l'histoire de cette émission. C'est quoi Top Gear ? Et quoi Top Gear ? Et bah Top Gear, c'est une émission de la BBC qui a été lancée en 1977, donc ça date pas d'hier. Sauf que jusque dans la fin des années 90, même début des années 2000, Top Gear c'était une émission comme, on va dire Turbo sur M6, voilà, donc une émission vraiment automobile avec des sujets présentés par des journalistes de façon neutre, etc. Et puis à la fin des années 80, il y a un des animateurs qui arrive, enfin des animateurs, des journalistes on va dire, qui s'appelle Jeremy Clarkson et donc qui fait partie de la team de Top Gear jusqu'à la fin des années 90. Et puis au bout d'un moment, bah, Top Gear ça commence à s'essouffler en termes d'audimat, etc. Donc au début des années 2000, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de l'émission ? Est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on continue ? Etc. Et là, il y a Jeremy Clarkson, qui avait quitté l'émission 2-3 ans avant, qui revient en proposant une idée. Et son idée, c'est de se dire, on va arrêter de faire une émission automobile classique, on va faire une émission où l'automobile n'est qu'un prétexte. Et sinon, ça sera une émission de divertissement, ça sera une émission d'humour. Voilà. Avec des voitures. Avec des voitures. Ça sera de l'humour avec des voitures. Tu fais de l'humour avec des voitures. Voilà, l'automobile est un prétexte. C'est le sujet, c'est le fil rouge. Et sinon, on fait de l'humour. Et c'est comme ça qu'il lançait le nouveau Top Gear en 2002. Et ça a cartonné de ouf parce que... Parce que tu adores. Bah, moi, j'adorais, mais on était 350 millions. J'adore démonter ce... Non, mais 350 millions de téléspectateurs à regarder cette émission dans 214 pays. C'est moins que le palmage. Non, mais ce qui fait ça a été simplement en fait l'émission de télé la plus regardée dans le monde, quoi. Exportée dans 214 pays. Alors, il y a eu des déclinaisons, il y a eu Top Gear America. Top Gear France, voilà. Ils sont trop nuls. Il y a des jeux vidéo. Il y avait des jeux vidéo Top Gear, il y avait un magazine automobile Top Gear, tout était Top Gear, quoi. Comment tu joues à Top Gear ? En jeu vidéo, tu veux dire ? Ouais. C'est un jeu de course classique. Normal. Ah merde. Ouais. Il s'appelle juste Top Gear, c'est juste pour le marketing. Pour le marketing, évidemment. D'accord. Ouais. Sauf que bon, en 2015, Jeremy Clarkson qui était... Comment dire ? En fait, Jeremy Clarkson, il a baffé son cadreur en 2015, donc mis à pied, éjecté de la BBC et du coup, The Grand Tour qui apparaît sur Amazon Prime. Cela dit, c'était pas la première fois que ça arrivait, il y a eu plein de choses. Il était toujours à la limite du politiquement correct. Il était pas très PC. Et il y a eu plein de choses comme ça qui étaient limites, ce qui fait que le gouvernement allemand a porté plainte contre Top Gear, celui de la Malaisie aussi, la communauté gay aussi, j'en passe, hein, voilà, donc évidemment je cautionne pas tout ça, mais faut avouer que l'humour des trois vient aussi justement de ce flirt avec les limites, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté plus un peu... Plus ça s'approche des limites, plus c'est bon. Bah, il y a un côté, oui, évidemment. Je suis d'accord. On n'a jamais fait ça à la télé, et du coup, on va le faire, tu vois. Tout est permis dans Top Gear. Et on le refera plus, apparemment, parce qu'on a... et on le refera plus, parce que maintenant, enfin, les Top Gear, donc UK, de anglais, depuis que ça a été repris en 2015, alors il y a eu deux ou trois équipes qui se sont succédées, mais c'est vrai qu'en termes d'audience, à chaque fois, bah, c'est beaucoup moins que cette fine équipe de nos trois... T'appelles ça fin, vraiment ? Non, alors pas du tout. Effectivement, c'est pas du tout fin. Et puis voilà, faut aimer l'humour anglais, hein, l'humour noir, les crasses, l'absurde, tout ça. Il y a tout ça dans Top Gear, évidemment. Alors je vous ai pas ramené d'extrait audio parce que c'est très visuel. Honnêtement, comme humour, il y a toujours un comique de situation, etc. Il faut de l'image pour que ça donne quelque chose. Mais bon, en tout cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça mêle situation drôle, le fait qu'il soit un trio genre les meilleurs ennemis du monde, donc voilà, ils sont toujours des crasses, mais en fait tu sens qu'ils s'adorent et puis qu'ils sont vachement complémentaires. Et puis ils mêlent parfois aussi l'extérieur, parce que quand ils font, quand ils font encore sur les émissions d'Amazon Prime, ils font des choses, des essais sur circuit, mais ils font aussi des road trips à l'extérieur, ouais. Et puis des reportages, ouais, sur le terrain, et puis des défis qui sont envoyé par la prod. Alors évidemment, tout est scénarisé, hein, ça ressemble à un sketch géant, mais je vous donne quelques exemples de choses qui ont marqué un peu l'histoire de Top Gear. Un jour, ils ont eu pour défi de devoir créer une limousine. Voilà, donc créer une limousine. Voilà, donc ce qu'ils ont fait, alors il y a James qui est l'archétype de l'anglais par excellence. C'est-à-dire le mec calme, avec un phrasé so british, avec le mec qui boit du thé, qui va lentement, etc. Donc lui, il va découper deux avant. Il s'appelle James. Et en plus, il s'appelle James. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est Capitaine Limace, son petit surnom. Donc lui, il va découper deux avant de voiture et les souder ensemble pour ne faire qu'une. Donc vous imaginez le délire de pouvoir conduire des deux côtés et puis tous les problèmes que ça peut, que ça peut entraîner. Ça donne aucun problème. Ça n'a aucun problème, bien sûr. On a Hammond qui, lui, c'est un peu le kéké de l'équipe. Alors, c'est le plus jeune, c'est le kéké de la bande. Donc, lui, il va se prendre un cabriolet MG qui va rallonger d'au moins 3 mètres et il va lui mettre des sièges baquets et un aileron de dragster à l'arrière, voilà, pour en faire une limousine dragster. Et puis, on a Jeremy Clarkson qui est la grosse brute sans cervelle, hein, Laurent Houtan, comme il le surnomme, qui, lui, va rallonger une Fiat Panda d'environ 20 mètres, voilà, pour avoir la plus longue, hein, parce que c'est, voilà, c'est moi qui ai la plus grosse. Ah, mais c'est un concours de bite, hein, sans cesse, hein, Tom Gear, clairement. Ventard, la plus longue, oh. Ah, oui. C'est pour ça qu'il a pris une Fiat Panda, il a pris la plus petite pour prendre la plus longue. C'est un complexe, parce que... Et donc ensuite, une fois qu'ils ont construit ces limousines, ils ont des épreuves. Donc l'épreuve numéro 1, c'était éviter des obstacles et se garer, faire un créneau. J'en étais sûr. Donc faire un créneau avec une limousine de 25 mètres de long et de 6 roues, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Et l'étape numéro 2, c'était carrément d'aller conduire une star à un gala en plein centre-ville. En Fiat Panda. Et là, ils l'ont mal vécu, les stars. Parce que James, il a jamais trouvé le chemin, le mec, il s'est barré au milieu. Le mec dans la limousine de Clarkson, je crois qu'il l'a survécu, mais il était pas content du tout. Et puis la Fiat Panda s'est cassée en deux au milieu du parcours. Enfin bon, voilà, ça donne vraiment lieu à des situations comme ça. Et puis il pleuvait, donc pour le cabriolet, c'était une jeune femme, je sais plus, une célébrité, hein, mais qui avait le parapluie d'un côté et qui arrivait, qui a dû prendre pour. Parce qu'il n'y avait pas de porte en plus dans la MG, donc elle a dû prendre une échelle de piscine pour descendre à son gala devant le tapis rouge. C'était pas idéal. Donc voilà, c'est vraiment de l'absurde. Je vous donne un autre exemple. Parce que en fait, leur deal, en fait, ils essayent de toujours prouver la suprématie de l'automobile par rapport à tous les autres moyens de transport qui peuvent exister sur la planète. Donc un jour, ils ont essayé de supplanter le train. Comment on pouvait faire un train avec des voitures? Donc là, on avait un binôme. On avait May et Hammond qui ont changé donc la voiture avec des roues de train. Et ils ont mis à l'arrière à peu près 5 caravanes. Il y avait un wagon resto, il y avait un wagon première classe avec un intérieur bois un peu à la comme dans les années 20. Il y avait un wagon classe du pauvre avec de la paille à l'intérieur. Et ils ont invité des gens. Des célébrités aussi, et ils les ont mis selon leur classe sociale. Donc tu pouvais te retrouver pauvre dans le wagon avec la paille ou alors en première classe. Et puis de l'autre, on avait Clarkson qui lui a fabriqué le train qui va le plus vite possible et le plus puissant, le plus rapide, et ils ont fait la course. Voilà, avec tout ce que ça peut entraîner. Donc forcément, Clarkson il a voulu doubler, mais quand t'es sur des rails, c'est un peu moins pratique, hein, donc il s'est retrouvé piégé à plusieurs moments. Et puis les caravanes, disons que le wagon resto a pris feu. Et le train, ils ont pas perdu un wagon, tout. Ça serait tellement classique. Ils ont fait plus que perdre un wagon, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un vrai train qui passe et ça explose toutes les caravanes qu'il y a sur la voie. Voilà. Ils sont tous morts. c'est ce qu'ils disent. Bon, évidemment, tout ça est scénarisé et personne n'a été blessé. Mais c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ah, bon, on a perdu du monde. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe en règle générale. Hein. Un sketch. Enfin, oui, je dis un sketch parce que ce sont des sketchs. Et ça, c'était tes sketchs préférés que tu nous as racontés ou il y en a un que tu préfères plus que les autres? Il y en a plein, honnêtement. Il y en a plein. Mais moi, j'aimais beaucoup. Alors, il y a deux choses que j'aimais beaucoup dans Top Gear qui étaient les défis. Ouais. Donc ce genre de choses en fait où ils doivent construire une voiture électrique, ils doivent construire une voiture amphibie, etc. Ce qu'on est sûr, c'est que ça finit mal, tu sais, c'est un peu genre des losers qui mettent du leurre et puis finalement ça termine mal. Et puis ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était les road trips. où ils partaient dans divers pays et ils avaient chacun un budget pour s'acheter une voiture. Et puis après, bah, ils traversaient différentes aventures et ils se jouaient des tours en plus. Genre, ils se réveillaient la nuit pour aller embêter le copain et lui changer, lui mettre genre son autoradio en direct avec une chanson qui joue en boucle pour que le mec, le lendemain matin, il l'ait pendant 600 mètres de road trip, tu vois. Des choses comme ça. Et puis bon, des fois, ils se jouent des tours un petit peu plus, on va dire, corsés, ce qui leur a joué des tours. Ah, je t'enlève un pneu. Bah, non, mais genre, par exemple, en Alabama, quand ils ont fait leur road trip en Alabama, bon, l'état de l'Alabama, c'est pas un état cool, on va dire. Ils avaient marqué, ils avaient tagué les voitures, genre Richard Damon est un gay ou des trucs comme ça, tu vois. L'Alabama a pas apprécié. Ah, l'Alabama a pas apprécié, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés à une station-service, à un moment donné, ils sont repartis en catastrophe et à coups de lance-pierre, quoi. Ah non, ça rigole pas. Il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est... Il y a combien d'épisodes dans les Top Gear ? Oh, de Top Gear, il y en a... C'est en saison, parce que c'est des saisons ouais. télé. Mais il y en a, je crois, 15 ou 16 saisons, quelque chose comme ça, de Top Gear et 3 saisons de The Grand Tour. Voilà, donc ouais, il y en a eu bah, de 2002 jusqu'à 2015, et puis après, de 2015 à 2020, les The Grand Tour. Est-ce qu'il y a une petite différence sur The Grand Tour ? Est-ce qu'ils se sont plus calmes ? Enfin, est-ce qu'ils se sont Alors, calmés ou tu pas ? Tu sens qu'ils ont vieilli un peu parce qu'ils ont la soixantaine maintenant, vieux, ouais. Sauf Richard Damon qui est un peu plus jeune. Mais sinon, c'est toujours le même humour. Et alors, la BBC, bon, c'est la chaîne numéro 1 en Angleterre, donc ils ont du fric. Mais Amazon Prime, ils ont mis encore plus de fric. Ils avaient un budget, je sais pas, je crois que c'est 35 millions par saison, quoi. Donc ça va, tu peux faire des choses à 35 millions par saison, tu peux t'éclater. Tu peux comparer des avions. Ouais, tu peux envoyer des Ferrari dans le décor, ça n'a aucun souci de ce côté-là, quoi. D'accord. Mais donc tu sens qu'il y a encore plus de budget sur The Grand Tour, donc tu peux faire du encore plus n'importe ouais. quoi. Dis-moi Théo, oui. c'est pas ce que tu veux faire dans Starter ? Un genre de Top Gear mais en... Oh bah j'aimerais, mais bon, j'ai pas le budget. Non, lui il casse des scéniques, hein Daniel ? Ah. Même oui, pas. Il a 35 euros de budget. Hein, c'est ça, 35 euros pour la saison, donc c'est ouais. forcément on peut pas faire les mêmes choses. Oui, il a cassé le scénic. Mais ça m'éclaterait, hein, ça m'éclaterait de gagner ma vie. Non, mais ça m'éclaterait de gagner ma vie en faisant n'importe quoi comme ça. Il a viré les siens. Il a tout éclaté. Ah bah hein. évidemment. Et la moquette quoi, merde. Hein. L'essai sort en septembre, soyez patients les amis. Ça sera pour la prochaine saison de Starter. On attend. Au palmarès de Starter, nous avons un essai de tracteur tondeuse. Oui. Qui cartonne sur internet. Attention. On a un essai de ta voiture. La 205, oui, ouais. mais on a un essai de la 4L aussi. La 4L. Ouais. On a un essai de la voiture de Jojo. De non pas encore pas non encore ah non. Bah ça sera pour plus tard peut-être plus tard mais en tout cas ouais bah si on parle de Starter vous avez la chaîne YouTube de Starter disponible sur YouTube oh. hein, n'est-ce pas la chaîne YouTube disponible sur YouTube et il y a plein de choses qui arrivent donc restez à l'affût voilà ça sera pas du Top Gear mais on va parler plus histoire automobile et comment on en on est arrivé on casse pas les bagnoles dans Starter 35 euros de budget oui c'est pas du Top Gear c'est sûr hein. les 35 euros c'est en fait c'est le prix de l'électricité pour faire la recherche sur internet. Mais il y a de l'humour quand même, parce qu'on aime bien l'humour. Voilà. Par contre, tu pourrais créer un concept, tu fais un Top Gear mais avec des majorettes. Ah, avec et là, tu rentres dans le budget. Ah oui, oui. Alors pourquoi pas. On écoute de la musique sur Indestar et je vous ai ramené. J'avais décidé de tout casser ce soir. Je veux tout casser. On va écouter Force to Eleven avec une autre chanteuse un autre groupe qui s'appelle. Alors attends parce que c'est un peu trop petit pour mes yeux. Zarskaya. Oui, alors c'est ça. Zarskaya. En fait, le groupe c'est Serchen Hond et la chanteuse c'est Zarskaya, qui fait du rock and roll. Alors Force to Eleven, on les connaît hein, parce qu'ils passent sur Indestar, mais la chanteuse de Zarskaya, elle a une voix. Elle fait des reprises de AC/DC, elle fait des reprises. Ils ont fait une reprise des Beatles aussi. Là, on va écouter une reprise de Metallica tous ensemble avec Enter Sandman dans les années 90, titre mythique de Metallica. Et dans quelques instants, on parlera avec toi Daniel des Inconnus. Parce que les Inconnus... Parce qu'on les connaît pas alors, si, on les connaît. On connaît les Inconnus. On les connaît, on les reconnaît, on les archi-connaît, mais on les adore. Donc, les Inconnus, grand groupe trio aussi, hein, des années 90. Oh, oui. Très parodique aussi, hein, comme le Palmacho. C'est des spécialistes de la parodie. Ah bah, aussi, de toute façon, alors, le Palmacho, je dis pas qu'ils ont copié les Inconnus, mais... Ah non, c'est un autre style. Mais il y a quand même des ressemblances. C'est de l'humour con, débile aussi, le Palmacho. machos. Ouais. Alors que les inconnus, c'est pas un humour spécialement. C'est... Ouais, mais. C'est un humour plus vieux. Même dans. Non, non. Ah, même dans le format. Il assiste. Ouais, mais parce que juste parce qu'il dit qu'il veut dire que c'est vieux. Non, mais j'adore les inconnus aussi. Hein. Mais les inconnus, par exemple, la télé des inconnus ressemble beaucoup à le. On parlait tout à l'heure des. Palma Show, ça s'appelait comment? Non, ils sont que deux. Oui. Non mais non mais bon allez. Bon, on écoute First to Eleven. Ouais, First to Eleven sur Indestar. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. En featuring avec Cherchen et Zartkaya sur ce titre reprise de Metallica, Enter Sandman. J'espère que vous avez fait du air guitar à la maison et emmerdé les voisins. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te décevoir. Mais tu sais, quand tu as dit le titre de la musique, personne t'a entendu parce que ton micro. Alors, nous, on t'entendait parce que nous, en off, on peut parler entre nous pendant les musiques, on peut parler entre nous, oui. On écoute la musique. Et tout tu m'avais parlant. Pas mis le micro à l'antenne. Mais voilà, donc en fait, t'as dit ton first event de... ouais, trop bien, comme si t'étais à l'antenne, mais tu n'étais pas à l'antenne. Bon, bah d'accord, autant pour moi. Bah, vous avez reconnu évidemment cette reprise de Metallica de First to Eleven. C'est facile. Avec Cherchen et. Même moi, je l'ai reconnu. Zartskaya. Par contre, il va falloir que je m'entraîne à dire le nom de cette chanteuse. Je dirais même, c'est Zartskaya. Zartskaya. Parce qu'il y a un Y, donc faut faire la liaison avec le A et le I. Ça fait E. D'accord, autant pour moi. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur Indestar, que c'est l'émission à la maison, qu'il faut en profiter parce que c'est la dernière avant les vacances de printemps. Et que ce soir on parle d'humour à plusieurs duos, trios et troupes, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Ceci était une vanne. Ceci était une vanne. Et avec Daniel, on va parler de l'un des trios les plus connus des années 90, des qui précurseurs. N'est autre que les Inconnus, pourtant si connus. Et d'ailleurs, ça vient d'où les Inconnus? Ce nom. Justement, on va en parler de ça. Mm-hmm. D'ailleurs, c'était une perte. Petite chose à savoir, au début, les Inconnus n'étaient pas trois. Alors non, ils étaient quatre à la base. C'était les Mousquetaires. Non, mais c'est pire. Alors, ils étaient quatre, mais avant d'être quatre, ils étaient encore pas quatre. Ils étaient cinq. Il y a eu de la désertion. Ah ouais. Donc, ils sont quel suspense. Bah, il y a Alain Chabat qui devait faire partie de leur groupe. Quoi? Mais non, c'était les nuls, Alain Chabat. Alors oui, c'était les nuls, mais les Inconnus leur ont proposé à Alain Chabat de faire partie. Mais il a refusé parce que... Ah bah si, j'avais vu une interview de ça justement où il en parlait. Et en fait, il voulait pas... Enfin, il a pas voulu accepter faire partie des Inconnus parce qu'il voulait pas jouer l'arabe de service, en fait. C'est ce qu'il a dit, c'est ses mots. D'accord. Mot pour mot, je vous reprends ça. Mais il a failli. Ouais, parce qu'en fait, ils ont jamais été très copains, les nuls et les Inconnus. Ah bah non, après, c'était la concurrence, ouais. Après, oui. Mais au tout début, effectivement, il a eu une proposition. D'accord, ok. Voilà. D'accord. C'est la seule info. Alors, donc, je pose mon micro. Voilà. Les Inconnus, donc, bah, on connaît les trois célèbres qui sont restés, Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Ouais. Mais je vous ai parlé de deux autres. Est-ce que, bon, ils sont issus d'une émission de télé des années 80, première moitié des années 80, le théâtre de Bouvard. Ouais. Est-ce que vous connaissez les deux autres? Ben non. C'est des gens connus ou encore ou il y pas en a du un tout qui est toujours, il y en a un qui est toujours acteur. Il a été d'ailleurs fait toujours des films. D'accord. Et là, on peut dire c'est l'arbre de service. Là, on peut dire parce que son nom de toute façon nous dire quelque chose. C'était Smaïn. Ah ouais, je connais pas. Mais pourquoi il a commencé chez eux et il a quitté ensuite le groupe ou il a eu une proposition, il y est pas allé ou ça s'est passé comment? Non, il a voulu faire une carrière solo. D'accord, ok. Il a dit ça marchera jamais. Enfin, c'est possible. C'est possible. Ouais, il a et pas eu la même carrière que ça, c'est sûr. Ah bah non. J'y arriverai mieux seul. Faux. et l'autre, c'était qui? Seymour, Bruxelles. Seymour? C'est pas en Paris, c'est pas en Amsterdam, c'est Bruxelles. Hein. D'accord. Voilà. Alors lui, pour le coup, il était vraiment inconnu. Lui, il a dit, je vais cartonner tout seul. Non, du tout. Il a fait les inconnus, lui. Lui, il a carrément arrêté le... Il est banquier, maintenant. Le travail. Boulanger. Il est devenu... c'était de toute façon un type qui faisait, je crois d'ailleurs, je suis pas certain, mais bon, des études de médecine. Ouais. Il est devenu ostéopathe et bioénergéticien. Ah, il y a moins de fun, quoi, là-dedans. Ouais, c'est... Bah, mais il y a plus de thunes. Enfin, quoi que... Disons qu'il y a plus de thunes sur le long terme. Oui. Bah, hey. Tu as la sécurité de l'emploi. T'as la sécurité de l'emploi. Quand t'as le Covid, tu marches quand même. C'est quand même bien, tout ça. Alors, les inconnus, d'où vient le nom Les Inconnus? Oui, bah oui, grande question. C'est suite avec un différent, justement, avec Philippe Bouvard. Ouais. Ah oui, quand même. Oui. Alors, il me semble que ça a même failli ou été commencé à aller en justice. Et Philippe Bouvard a fait comme s'il ne les connaissait pas. Alors, eux, ironiquement, ils se sont appelés Les Inconnus. Ah ouais, mais alors, Bouvard ne les connaissait plus, bah, ils se sont appelés Les Inconnus. Tu commences à te fâcher avec Bouvard? Mais c'est qui, lui? Non, non, tu dis... Non, non, tu dis... Non, mais non. Alors, quand même. Tu connais pas Seigneur des Anneaux et Star Wars. Ouais, bon, d'accord. Donc je vois de pas connaître Philippe. Et Philippe Bouvard, alors maintenant, il est vieux. Et je crois qu'il est encore sur RTL, mais bon. Il j'ai a fait, il a animé les Grosses Têtes pendant 30 ans. Alors, les Grosses Têtes, c'est Canal+. Non, les Grosses Têtes de, d'RTL. Non, avant, avant. Ouais. Ah oui, mais c'est la radio. Oui. Ah oui. RTL, oui, c'est la radio. Oui. Ouais. Ah oui, on sait, tu connais Kindestar, toi, en radio. Non, mais même, j'ai écouté des radios de jeunes. Oui, RTL non. N'est pas réputé être une radio. Les Grosses Têtes. Non, ça te dit rien. Bon, ok. Donc, oui, les Grosses Têtes d'RTL, et il a fait beaucoup de télé aussi, Bouvard. Boulevard. Oui, je crois que je l'ai vu là-bas. Mais il fait encore de la télé? Non, il en fait plus. Il en fait plus. Non, il a arrêté, je crois. Non, non, il est arrêté, mais il est pas mort. Ah non, bah non, il est pas mort. Mais par contre, il a genre 90 ans, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, au moins 85. Hein. Je sais qu'il est comme ça. Bah, il est plus vieux que nous, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Alors, les Inconnus, bon, ça a été mouvementé parce que ils se sont formés à 5, 4, 3. Après, la carrière a été, on va dire, jalonnée de formation, déformation, reformation, redéformation, Enfin. Ça a beaucoup changé, ils étaient ensemble, ils n'étaient plus ensemble. Hein. Ouais. Voilà. Et ils ont des sketchs, même si c'est pas quand même les spectacles, le nombre de sketchs, ils ont quand même des sketchs qui sont restés culte. Un peu dans les mémoires, sauf celle de Teddy, évidemment. Si, ah non, mais j'en ai quand même. Hein. Teddy connaît. Je connais même leurs films, enfin certains de leurs films, Les Rois Mages ou. Je sais pas. Les Trois Frères. On va en parler un petit peu des Rois Mages d'ailleurs. Non, mais je parle des sketchs, les quelques fois où ils ont fait de la scène. Alors, ils ont fait beaucoup de choses, sketchs, chansons, oui, chansons films. Ils ont quand même fait beaucoup de choses. Mm. Alors, dans les sketchs, il y a les grévistes. Oui. Ça vous dit quelque chose? Si, ouais. Ouais, Avec la CGT. Ouais, je pense que tu peux en citer 10 000 parce que en plus c'est intergénérationnel dans le sens où ça a cartonné dans les années 90. Mais genre la télé des Inconnus, on l'a peut-être au moins une ou deux fois par an qui repasse à la télé. Donc je pense que même les plus jeunes générations connaissent les Inconnus grâce à toutes ces rediffs, quoi. Absolument. Il y a un des plus célèbres, le Télémagouille. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Jeux télé, comment ça s'appelait Oui, ils ont fait un sketch aussi où ils jouent. Vous pouvez répéter la question? Oui, ça c'est. Michel de Monaco! Stéphanie de Monaco! C'est Télémagouille? C'est Télémagouille, ça, ouais. Y a excellent. Eu Tournée Ménage aussi. Oui! C'est une parodie, c'est pas un sketch. C'est vrai que c'est une parodie, ouais. Mais voilà. Il y a énormément de sketchs cultes. Alors, dans les sketchs, moi, il y en a un passage que j'aime bien, c'est celui avec les flics. Quand ils. En uniforme et. À un moment donné, donc, je ne sais plus lequel des trois dit « Je vous arrête, PV pour ceinture. » C'est les vigiles, ça. Je m'en fous, la ceinture est obligatoire. C'est les flics ou c'est les vigiles, ça? Non, les vigiles, c'est autre chose. Ouais. Mais parce que les flics, il y a aussi l'histoire du commissariat, là, où ils font un reportage, genre un cache investigation sur le métier de policier. Là, c'est aussi une parodie, oui. Ouais. Alors, tiens, il y a une petite anecdote là-dessus. Parce qu'ils font un peu l'accent du Sud. Ouais. Ouais. Et Pascal Légitimé, c'est évidemment, a eu énormément de mal à faire un accent. Du Sud, ouais. Du Sud. Donc, ils ont failli le refaire à cause de ça. Et finalement, ils ont quand même trouvé une solution pour que Pascal Légitimé puisse le faire quand même. Je dirais que c'est la tâche qui nous incombe. Et aussi en même temps, c'est de la faute de ces putains de sudistes là, avec leur accent de merde et leur huile d'olive pugée là, putain. Et à fortiori qui nous décombe. Ah, peu cher, voilà. Non mais le sketch, la parodie est excellente et c'est en ça que j'en parlais tout à l'heure, je me rapproche du palmachot, c'est que il y a beaucoup de concepts qui sont qui sont les mêmes. Tu arrêtes ça. Non mais c'est pas fait de la même façon, mais voilà, les concepts s'y rapprochent. Voilà, en tout cas, je sais plus ce que je voulais dire sur le palmachot. il faut descendre mon sujet. Non mais tous ces sketchs sont excellents en tout cas. Ouais. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais vous parler, ils ont fait, ils ont fait des chansons aussi. Ouais. Chansons ah bah oui. un peu loufoque, un peu. Mais oui, ils ont fait Neuilly-sa-mère. Hôtel Neuilly-Passy. Alors, ouais. Je vous propose un petit jeu quand même, pour vous échauffer avant le quiz. Ouais. Hein, alors, je vais faire une Teddy parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu droit. Je vais vous faire un quiz à la bouche. Ah. Ouais. Donc, je vais vous chanter des chansons. Allez. Hein, on doit reconnaître. Et vous allez essayer de trouver le titre. Alors. Stéphanie de Monaco. Voilà. Ne me donnez pas les interprètes, ça sera toujours les mêmes. D'accord. Ok. Alors, petit indice. Hein, parfois, il se peut qu'il y ait le titre de la chanson dans les paroles. Genre Isabelle a les yeux bleus, quoi. Par exemple. Alors, je vais commencer par celui-là. Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré, j'habite à Neuilly dans un quartier Théo, t'as une Neuilly-Passy, ouais. Ah bah je continue, je suis fils dans un hôtel particulier. Hôtel Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Hôtel Neuilly-Passy, c'est notre ghetto. Ghetto. Pas mal. Donc, tu peux être lancé dans le rap. T'as fait une belle Teddy. Ah tiens, en rap, oui, il y a celle-là. Alors, je vais essayer de bien me rappeler de l'air. Elle est meuf dans le RER. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Alors, prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Et pas de Lisa. Et ça, on écoute, c'est ton destin. Allez, vas-y. Ah, bah alors, Teddy. Ah mince, attends. Attends, je le remets. Mais c'est vrai que je l'ai. Mais jingle. Ah, là, là. Attention. Mais je l'avais mis, hein. C'est juste que tu m'as coupé. Je fais les meufs dans le RER. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Alors, prends-toi en main. C'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Très rap des années 90. Immigration. Ouais. Moi, je dis non. Ce sont des mots que tu refuses en bloc. Oh, ça, c'est sûr. On ne se soumettra pas à ta vouloir. Ouais, t'as bien pris note. Alors, prends-toi en main. C'est ton destin. On a compris du coup le concept de c'est ton destin. Allez, une autre, Daniel. Alors, une autre. Oh, j'en ai encore. Oui, j'en ai encore. On va faire les principales quand même. Alors, une que j'adore, c'est nous sommes Mursaf, Cancra, c'est Karbala. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en échappes. Nous sommes les frères qui rappent. Les frères qui rappent. Les rap tout. Ouais, les frères qui rappent tout. Les rap tout. Les rap tout. Les rap tout. Voilà, c'est ça. Yes, merci. Comment c'est. J'ai un trou de mémoire là, celle qui fait avec le où ils sont dans les champs là. J'ai l'inotant de ta fenêtre assis. Et vice versa. C'est vice versa. Allez, génial, vice versa. J'adore. Ah, je l'ai pas prévu, j'en ai encore d'autres prévus là. Ok, vas-y. Alors. Attends. Tout d'un coup, elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit les yeux bleus. Dans la nuit d'heure. Ouais. Voilà. C'est ça. Isabelle a les yeux bleus. Mais c'est pas une vraie musique. Alors, oui, c'est une parodie. Isabelle a les yeux bleus. C'est une parodie, je crois, d'Indochine. Mais ils disent bien Isabelle a les yeux bleus aussi dans la vraie musique. Non. Je crois que je connais que cette version-là alors. Ah oui, que la version des inconnus. Ouais. Et après ils font un truc, tu vois, un concept complètement différent qui n'a rien à voir. Ça ferait, ça ferait. Je sais plus si c'est avec Isabelle. Il l'a perdu pour de vrai. C'est avec les yeux verts. Genre c'est Isabelle et les yeux verts. Je sais plus si c'est Isabelle, mais hyper novateur. Il y a une théorie, j'ai un souvenir comme ça aussi, oui. Et... je sais plus. Allez, je vous fais la dernière. Et bon, une session avec moi-même. Je vais essayer. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots. Que je t'aime. Si c'est pas dans le livre. C'est toi que je t'aime. C'est toi que je t'aime. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Vachement beaucoup. Et ouais, c'est toi que je t'aime. D'ailleurs, elle a été reprise par les trois fromages dernièrement, celle-là. Ah, et trois fromages. Et Camembert, Coulommiers et Cantal. De Normandie. Je ne connais point les trois fromages, à part ceux que j'ai dans mon... Dans ton frigo. Exactement. Et j'en ai pas que trois. C'est quoi, c'est de la musique vraiment? Non, ça doit être... C'est quoi, c'est des sketchs aussi, les trois fromages Non, les trois fromages, c'est un groupe de... Comment je pourrais dire? C'est un groupe de... Metal. Ah, metal. Ah. C'est du putain, métal. Du métal, les trois fromages. Mais oui, logique. Bah ouais. Manger trois produits laitiers par jour et écouter du métal. Parodie et voilà, ils ont parodié justement d'accord. Celle-là. Les produits laitiers, c'est nous jamais pour la vie. Ok. Alors, on peut aussi parler des films. Ouais. Parce qu'ils en ont fait certains. Le premier qui les a rendus célèbres au cinéma, bah, les trois frères. Ouais. Mais c'est pas trop de celui-là que j'ai envie de vous parler parce que moi, les rois mages, beaucoup, les rois mages. C'est les rois mages. Bah ouais. Comme les rois mages. Pour les plus jeunes, c'est celui-là qui est connu. Celui-là. Oh non, les deux. Je me considère parmi les plus jeunes et c'est celui-là que j'ai connu. Oui, mais parce le que frère, toi, je le connais lui, pas. Mais t'es pas l'entière représentabilité. Je représente ma génération. Non, mais parce que les trois frères, il y a eu les trois frères, le retour qui est sorti dans les années 2010, qui était pas terrible, honnêtement, par rapport à la mais première version. Il est version. Moins bien. Ouais, il est moins bien, ouais. Non, ils ont déclaré depuis qu'ils auraient dû le faire plus tôt ou jamais le faire. Ouais, bah oui, c'est ça. Peut-être jamais. Ouais, c'est Les trois rends hommage. Alors moi, j'adore ce. Alors pourquoi j'adore ce film? Parce que, on a donc les rois mages qui allaient voir le petit Jésus. Rendre visite à l'enfant Jésus qui allait naître. Mm-hmm. Pardon, excusez-moi, j'ai des renvois. Lui offrir les trois petits cadeaux, là. Les trois petits cadeaux. Voilà, c'est ça. Pour l'or, la myrrhe. Et l'encens. Ouais. Oh non, pas l'encens. La myrrhe et l'encens, pas la myrrhe. Oui, si, c'est l'encens. Ouais, pas la myrrhe de la télé. La myrrhe, c'est entre autres un alcool corse, ouais. D'ailleurs. Oui. Bon. Ah bah c'est désinfecte aussi. C'est très bon. Covid. Ça désinfecte aussi. Hein. Ah c'est un alcool, oui. Donc forcément. Et donc ils sont pris dans une faille temporelle. Et où se retrouvent-ils, comme par hasard, à notre époque? Eh oui. Enfin, et à là, notre moi, époque. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que d'habitude quand t'as un film avec des anachronismes, c'est l'anachronisme qui est au centre du film et tout est fait autour de l'anachronisme. Ouais, ouais, ouais. Et là. Là, c'est, on va dire, c'est construit avec, c'est dedans, et même s'il y a des fois où on exagère un peu, c'est pas tout le temps. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce film. Mmh. On trouve vraiment, si on est amateur des inconnus, on trouve les inconnus. Hein, sans du principe que les chats font pas des chiens, les inconnus vont pas faire autre chose que les inconnus, hein, quand même. Hein. Mmh. Ouais. C'est lui, il y a la patte, quoi. Oui, oui, il y a la patte, oui. Et là, il y a des scènes. Alors, c'est un film de 2001. Quand ils font du trafic de drogue. Oui. J'ai les smarties. Il y a une histoire. Il y a des histoires extraordinaires. Alors, oui, avec c'est lequel, c'est comment il s'appelle, Bernard Campan, donc qui joue Melchior. Le rôle de Melchior. Voilà, c'est ça. Roi de je ne sais plus quoi. Celui qui l'appelle le jeune Samaritain. Et le jeune Samaritain, en fait, c'est un dealer. Ouais. Bah oui. Ouais. Hey. J'étais smarties. Bon, et lui donc se retrouve par exemple Melchior se retrouve à prendre la place d'un interné dans un asile de fous lors d'une sortie et se retrouve interné aussi à sa place. Enfin bon, il sort, il retrouve ses copains, ça. Parce qu'il croit au destin. Là-dessus. Comment? Non, parce qu'il croit au destin. C'est ton destin. c'est vrai. donc on a aussi. Je vais plus vous parler quand même de certaines scènes qui m'ont un petit peu. Ouais, ta scène préférée du film par exemple. Ah, faut que je fasse un choix, ça va être dur. Bon, allez, un top 3 je crois que c'est celle où ils font. Alors, personnellement, celle où ils font les courses. Où il y a pas ils prennent la liste. Enfin, j'aime bien la scène qui vend du rêve, tu sais. Alors ta scène préférée du film. Bah, tu sais, tu vois quand ils sont chez Inter, quand ils sont au rayon fromage. et que par exemple, et qui compte en McDo. Ah, ça fait 2620 McDo. Je crois que justement c'est encore Melchior d'ailleurs qui demande à une femme. Qui lui dit femme, savez-vous où je peux trouver un certain monsieur propre. Oui. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi pendant un peu plus loin dans le film lors de l'interview en plateau télé. Ouais. Où là l'ensemble des les trois rois mages. Là, on voit plus leur pouvoir, je pense qu'on peut dire, de roi mage, où ils se permettent de dire pas mal de choses sur l'intimité des gens qui les interrogent. Ouais. Et là, alors, ça donne des gens qui s'offusquent alors qu'ils défendent complètement, ils défendent certaines causes alors que finalement dans le privé, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils s'adonnent à cette cause, c'est ouais. avec les gens qui s'offusquent. Alors dans le métro aussi, il y a beaucoup de scènes. Il y a celle aussi à la gare du Nord dont parlait Teddy avec les dealers où là c'est à la gare du Nord qu'ils se retrouvent tous les trois et ah encore Bernard Campan, tiens, c'est marrant, je tombe que sur lui. Bah t'as Didier Bourdon aussi qui se jette sous un train, qui est assez marrant. Il y a c'est bien Didier Bourdon, j'ai pas de Il y a Didier Bourdon, ouais. Il se jette sous un train pour vérifier que... Et à l'hôpital, il se remet tranquille. Allez, les médecins sont là. En même temps, c'est pas un petit train non plus qui va écraser Didier Bourdon. C'est pas une bouche. Il y a autre chose aussi qui me fait marrer. C'est quand. Didier Bourdon s'est envolé devant le train. D'accord. Quand ils se revoient à chaque fois, ils disent toujours leur prénom, mais avec tout ce qui va avec. Genre roi de ci, prince de ça, et d'autres provinces, dont l'énumération des. Non. Alors il y a aussi quand ils sont on va dire invités à prendre un verre dans une boîte de nuit où qu'ils lui proposent de boire un verre et qu'en fait ils se le jettent sur les pieds pour se nettoyer les pieds. C'est une bouteille, ça sent bon. C'est un autre endroit dedans. Le coup de la boîte de nuit, c'est quand ils donc ils sont dans la rue, il y a une entraîneuse qui leur propose de rentrer boire un verre. Alors eux, évidemment, ils croient que c'est les lois de l'hospitalité, donc déjà ils veulent pas payer. Mmh. Et au moment de payer, alors ils font leur cinéma. Donc et entre autres là, c'est Pascal Légitimus qui envoie un poignard, donc pas très loin de la tête d'un des gars qui veut leur faire payer une somme faramineuse. Et il est fait comme réplique quand j'étais plus jeune, j'ai masculé un scarabée à 50 mètres. Ouais. En lançant le couteau. Ou alors il y a une autre réplique, Pascal Légitimus aussi, à un moment donné. C'est à partir du moment où tu ne peux pas voir ce qui existe, conçois que tu peux voir ce qui n'existe pas. C'est profond hein, comme film. Mais bien sûr. C'est tellement profond. Exactement. Alors, il y a quelque chose aussi à savoir sur ce film, par rapport à la fin que je ne vais pas dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Comme ça. Surtout, quand vous le regardez, alors déjà, faut bien regarder l'image. Surtout les scènes, je veux dire, quand il est chez la jeune fille, chez la dénommée Macha. Et faut bien regarder jusqu'à la fin du générique. Parce qu'il y a des. Il y a une surprise. Ouais. Il y a une surprise. Ça arrive hein, dans certains films comme ça où à la fin du générique, t'as des films, des scènes supplémentaires. Je dirais le spécialiste de ces petites fins. Alors, c'est pas le précurseur. Hein. Il y en a eu d'autres avant. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais celui qui a fait les meilleures petites. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, des petites scènes. Caméos, ou petites scènes après le film. Ouais. C'est Deadpool. Deadpool. Ah ouais. Ok, oui. Ah, moi, j'ai souvenir par exemple dans Astérix et Mission Cléopâtre, là, le coup du pharaon, c'est pareil, c'est dans la scène après le générique. C'est pas faux. Mais comparé à Deadpool, ça vaut pas. Bon, d'accord. Okay. Je te jure que ça fait pas le point. Mais c'est on. Il a un phare. C'est le pharaon. C'est le pharaon quand même. Voilà. J'avoue, c'est marrant. Regarde ce Deadpool, tu verras. C'est le chef de nous. Faut aimer Deadpool en même temps, mais. Je connais pas. Ah, c'est pas pareil. Hein. Je connais pas. Ça envoie du lourd. Ok. Bon, on te croit. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi un petit lien entre les trois frères et les rois mages. Ouais, les inconnus. Léger. S'ils n'avaient pas tourné les trois frères. Le film Les Rois Mages n'aurait peut-être jamais existé. Ah, mais il y a beaucoup de choses dans ce cas-là. Il y aurait peut-être eu la 4ème guerre mondiale. C'est vrai que si on va par là. Mais vu que la 3ème n'a pas existé. Mais pourquoi Parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que. Voilà, c'est. C'est donc à la fin du film Les Trois Frères, ils sont dans une cantine scolaire et il y a un des cuisiniers qui appelle. Pascal Légitimus, Balthazar. Ah, ok. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pensé Balthazar, les rois mages. D'accord, ça leur. C'est comme ça qui est venu les deux. Ouais, c'est pas en termes de réalisation, c'est vraiment en termes de scénario, ouais. D'idée de scénario. Oh, tiens, on va faire un truc sur les rois mages, ça va être cool. Ils étaient chauds, ils étaient repartis. C'est après le générique, ça. c'est... Quand il l'appelle, c'est après le générique. Ah, peut-être aussi, ouais. Ah, tu vois, comme quoi tout se joue après le générique. Hein. Oui, si, si, c'est après le générique. Bah, parmi les films... Je sais que c'est à la fin, mais je... Oui, peut-être, d'accord. Ouais, ça doit être après le générique. Mais tu vois, parmi les films... alors, il n'y avait pas les trois inconnus, ils étaient que deux, mais dans le film Le Paris, là, où ils arrêtent de fumer... Il y a, ouais. Il y a deux inconnus qui jouent dans ce c'est film-là. Pas, il manque Pascal Légitimus. Ouais, il manque Pascal Légitimus. Ouais, Didier et Bernard. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Bernard qui s'appelle. Ouais, Bernard Campan. C'est, ouais. Didier Bernard, c'est ses copains. Ils très moche Bernard Campan. Ouais, c'est vrai. Mais c'est mon pote. Ça. C'est ton pote, ouais. Bébert. Et aujourd'hui, ils font quoi les inconnus? Parce qu'on a vu des fois Didier Bourdon. Ils sont redevenus inconnus. Ouais, non, mais c'est. Bah, c'est ce que j'allais dire, on les connaît plus. Hein. Ouais. Bah, parce qu'on est. Bah, par exemple, dans le Palmachot, je me rappelle que d'une fois, on a vu Didier Bourdon à un moment donné. Ouais, c'est pas dans un des derniers sketchs. Mais sinon, je. Ouais, ils font plus d'autres non, choses. Mais quoi. Je pense qu'au niveau parodique, pour l'instant, ils. Ouais. Ils ont fait le tour. Ouais. Et au lieu de faire comme certains, insister bêtement, je pense qu'ils ont préféré. Ils profitent de leur retraite anticipée. Leur carrière en sourdine, ouais. Et puis rester quand même sur de bonnes impressions. C'est déjà fini, que, comme ils ont déclaré, les trois frères, ils l'ont fait trop tard, ils auraient dû le faire plus tôt ou jamais. Ouais, ouais. Déjà. Alors, il faut aussi savoir qu'entre les trois Ferrer et les rois mages, ils se sont séparés. Quand je vous ai dit, ils sont. Ils ont divorcé. séparés, reformés. Comme les Daft Punk. Etc. Et à peine reformés, c'est là qu'ils. C'est peut-être même l'idée des rois mages qui les a reformés. D'accord. Peut-être, je sais pas, là j'avance peut-être. Mais comparé aux Daft Punk, les Daft Punk se sont séparés qu'une seule fois, définitivement. Oui, c'est vrai. Mais on sait jamais. Hein. Oui, ouais. Ah, oui. Le définitif n'est des fois que passager. J'ai oublié, tiens, une petite anecdote là, qui me revient. Là, sur la chanson, Isabelle a les yeux bleus. Ouais. Isabelle a les yeux bleus. Pardon. Les yeux bleus. Ah, je le fais bien. Oui. Donc, c'est une parodie, évidemment. Oui. Sauf qu'il y a eu un quiproquo. Bah, Isabelle n'a pas les yeux bleus. Mais justement, qui, parodie de. Mais non, ils étaient verts les yeux. Parodie de c'est quelle bon chanson ça. C'est une chanson d'Indochine, non ou pas? Alors, justement, Indochine a cru que c'était eux qui étaient visés. Ah, et en fait, non. Parce que. En fait, non, parce qu'ils avaient pris le look et le style d'Indochine. Ouais, ok. Et c'est pas du tout visé. Isabelle a les yeux bleus, en fait, c'était la chanson avec le même nom du groupe éponyme, Partenaire Particulier. Ah, ouais. Partenaire Particulier. Yeah, cher Isabelle partenaire. Les... Ah, ouais, c'est pas Indochine, ça? Non, bah non, c'est Partenaire Particulier. Oh. Mais non, ça c'était de la chanson. Non, c'est Partenaire Particulier qui a fait une chanson qui s'appelle Partenaire Particulier. C'est le genre de groupe que tu montes et tu te dis je vais faire qu'un titre. Ouais, c'est pas trop un but de ma personne. Non, mais je suis Teddy, je vais faire une musique qui s'appellera Teddy. Ouais, mais tu sais que tu vas sortir un single quoi. parce qu'après, sinon t'as Teddy 2, Teddy 3, Teddy 4, mais bon, voilà. C'est... Ouais, ça marche moins bien les filles. Ouais, ça marche. Tu peux faire Teddy et Mehdi d'après ce que je. Ah, oui, un tu duo. Peux faire Teddy et Mehdi. Teddy et Mehdi, ouais, on est dans la place. Un duo, ça Teddy et Mehdi. Et après, la c'est suite, là où ça se passe. La suite osée qui s'appellera Angelina. Angelina, c'est le nom de ma sœur. Ah bah d'accord, ok. Ok, on a toute la famille de Teddy. Mais personne l'aime celui-là. C'est, oh. C'est joli Angelina comme prénom, j'aime beaucoup. Ouais. Si, j'aime bien. Ouais. Ok, et bah en tout cas, oui, les inconnus qui ont marqué nos enfances à tous, parce que, encore une fois, même si on n'est pas... Enfin, moi personnellement, j'étais un peu... Vieux. Trop vieux déjà. non, mais justement. Mais moi, est-ce que ça a marqué mon enfance, hein? Oui, non, mais alors, oui, toi. Mais non, moi j'étais un peu trop jeune quand c'est sorti, mais après, il y a eu plein de rediffusions, ce qui fait que bah forcément, on est tous tombés sur les sketchs. J'étais trop jeune. Bah. Oui, non, mais alors, j'étais pas né. Toi, t'étais pas né, ouais. Non, mais j'ai vu les rediffs, effectivement, et c'est vrai que c'est drôle quand même. Il y a des sketchs bien drôles, ils sont adaptés à toute génération. Le chasseur. Il y a des trucs que ça se voit. Que... Ah bah, le chasseur. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Alors, le bon chasseur, bah, il voit un truc, il voit un animal, bah, il tire. Bah, oui. Mais il est. C'est un bon chasseur. Bah oui. Mais le mauvais chasseur, lui, bah, il voit un truc et il tire, quoi. Ouais, c'est le contraire, mais oui. Ouais, peu importe. Révise le sketch. Peu importe. Hey, Manu, tu descends, pour quoi faire? Bah, parce qu'on descend. Non, mais là où ils ont été très forts dans la parodie, c'est pas parodier un style d'une époque, c'est vraiment parodier quelque chose, pas, enfin, je veux dire, pas un événement, pas quelque chose de précis à un moment donné. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une parodie? Ou la vérité. Mais parodier des choses qui pouvaient être intemporelles, comme le chasseur. Ouais, bah ouais, ouais. Voilà. Dans le même style, si vous... La police aussi. Hein. Et je vais faire ma Audrey. Là. Dans le même style, si vous... Sur YouTube, il y a des choses. Il y a un gars qui s'appelle Bertrand Huskla, il fait une chaîne qui s'appelle Brut. C'est une parodie de Brut, pour le coup. Oui. Il y a un moment où il fait un sketch sur la chasse. Oui. Putain, il met des bombes sur des chiens. Il dit ah bah vous voyez là les chiens s'approchent un troupeau de chevreuils. Hop voilà, on va manger du chevreuil ce soir et un peu de chien. Ah, parce que là dans les inconnus c'est la galinette cendrée qui lâche et puis il se tire. Là on voit les cartes de génération où qu'en gros ils se moquaient des chasseurs quand même les inconnus. Oui. Et là on se moque de des chasseurs, enfin qu'ils essayent de se défendre la chasse. Ouais. C'est... Ah oui, parce que les... ça c'est l'évolution des parce mentalités. Parce qu'on sait que la chasse, ça va quand même... il y a de grandes chances que ça disparaisse un jour ou l'autre. Bah, c'est en danger, oui. Ouais, c'est en danger. Je sais pas si c'est en danger. Non, mais... bah, c'est mais bien pour les animaux. Après, il y a toujours une régularisation à faire, de toute façon. Mais bon. Ça, c'est un discours de chasseur, ça. Oui, voilà. Non, mais c'est excellent. Et du coup, ouais, dans ce style-là, si vous voulez, il y a aussi ce sketch qui est excellent. Ouais, non, mais c'est vrai que Brut, c'est pas mal aussi. Mais le mec est tout seul. Non. Non, détrompe-toi. Alors, effectivement, il y a une tête d'affiche qui s'appelle Bertrand Huskla. Oui. Mais il est accompagné toujours de sa troupe. Il y a toujours la même fille, toujours le même gars. C'est un groupe. Ouais, ok. Collectif. D'accord. Bon, on va réviser nos classiques avec le quiz dans un instant. Le quiz de 23h avec donc en candidat ce soir Teddy et aussi Julien et Daniel. Et puis vous à la maison. Ouais. Eh oui, est-ce que vous êtes prêts à jouer au quiz? Je te marre, Raftin. Ouais, on est prêt. Ok, et eh ben on écoute Jack Coco. Tu vas me maraver, c'est pas toi qui vas me maraver, va. Avec. C'est ton destin d'être marave. Ça se dit plus. avec Right Where You Belong. Je m'en fous parce que Isabelle a les yeux. Ouais, ouais. Tu sais ce qu'on va faire, Daniel? On va attendre genre 5 secondes. Et puis je vais te laisser chanter la chanson hors antenne, d'accord? Nous on écoute Jack Coco sur Indestar et on revient avec le quiz dans l'émission à la maison sur Indestar. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Au moins 23h04. Bienvenue sur Indestar. Si vous nous rejoignez, amis nocturnes. Oui, c'est la musique du quiz. Oui, c'est la musique qui envoie. Oui, c'est la musique de fight entre Teddy, Daniel et Julien ce soir. Et puis à vous, à la maison. Vous connaissez la chanson, vous prenez une feuille ou une ardoise comme nous. On a une des stars parce que moi, je vais noter les points. Qui de Julien, de Daniel ou de Teddy gagnera ce quiz? Qui aura, comme d'habitude, 7 questions avec à chaque fois 3 possibilités de réponse. Mais seule une de ces réponses est bonne. Je pose la question à chacun des candidats. Et à chaque fois, je donne la bonne réponse. Et à la fin, on compte les points. C'est encore Audrey qui va gagner ta faute. C'est Audrey qui va gagner. Évidemment. Et Jolane qui va perdre. Et Jolane qui perd. C'est bien, même quand il joue pas. Alors, on a Teddy. Je me note les candidats, mais j'ai du mal parce que mon Véleda ne fonctionne pas. Tu m'en parles. Attrape ce stylo. Un autre Véleda. Ouais. Ah. Bon. Alors, vous l'avez pas vu, mais Théo n'est pas très bon au basket. Non, c'est vrai. J'ai envoyé un stylo, il l'a rattrapé. J'ai déjà raconté. Il a rebondi sur sa main. Pour ça, il fait de la radio pour pas qu'on le baille. Exactement. alors, donc évidemment, le sujet de ce quiz, c'est l'humour. Et nouveauté, il y a des extraits. Voilà. Et qui ne seront pas pour les questions parce que je sais, les gars, que vous avez un petit peu du mal des fois à entendre vraiment ce qui se dit. Mais ça sera pour ambiance. Accentuer la réponse. Accentuer la réponse. Très bien. C'est exactement ça. Alors, parmi les sketchs qui parodient les jeux télévision dont on a parlé des inconnus tout à l'heure, citez-moi le nom de ceux de Cad et Olivier. Est-ce que c'est le Camoulox? Est-ce que c'est Question pour du pognon? Ou est-ce que c'est Tournée ménage? On commence par une facile. Camoulox, Question pour du pognon ou Tournée ménage? Julien. Merde. Alors là... KDO. Ah, je dirais Camoulox. Le Camoulox pour KDO. Ok. Daniel? J'avoue que j'en sais rien, mais je sais qu'il y a une histoire de K dans le nom, alors je dirais comme Julien. Camoulox aussi. J'ai le droit de dire que non seulement je connaissais la réponse, mais en plus je l'ai. La réponse. Bah, t'as l'extrait, je suis désolé. Il a oublié de changer le prénom. Non, mais je le savais quand même, je l'ai vu ce truc. Alors donc, en vrai, j'ai changé parce qu'il s'appelle normalement extrait 1, extrait 2, extrait 3. Mais le cartouchier qu'on a remet le tag en fait du nom, ouais. Du coup, oui, c'était bien Camoulox. Mais... C'était bien Camoulox. J'ai fait n'importe quoi, j'ai mis 2 points pour Julien là. Un point chacun, c'était le Camoulox. Alors, le Camoulox, donc oui. Il était pas là la semaine dernière, donc il a mis un point en plus. Bah voilà, c'est bien ça. Se rattraper. Camoulox qui parodie les jeux télévisés un peu comme Pyramide à l'époque, sauf qu'on est complètement dans l'absurde. Alors, ça a été déjà créé comme à la radio, on parlait d'Eric et Ramzy tout à l'heure, qui avait créé des concepts mis d'abord à la radio et puis ensuite à la télé. Là, ça a été créé pour Oui FM à l'époque, et puis ensuite c'est sorti en version télé sur Comédie et puis Canal+. Donc on est totalement dans l'absurde. Ça se termine toujours avec Camoulox quand il y a un candidat qui existe, qui hésite. mais et puis ça commence comme tous les jeux télévisés. Je vais y arriver ce soir par une présentation des candidats. Donc on a par exemple cette présentation là. Attends, on va refaire parce qu'il faut. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec. Est-ce que tu peux le remettre le télé parce que ça marche pas moi. Voilà, on y va. Il voulait juste le cacamou. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Voici Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir, je m'appelle Damien Nigaud, j'ai 29 ans, j'habite à Aigreville et je suis imitateur d'objets. Et quel objet pouvez-vous imiter pour nous, Damien? Bon, plusieurs. Par exemple la tronçonneuse. Oui, bravo. Je peux aussi. Non, écoutez, franchement, ça ira, Damien. Vous êtes marié? J'étais. Ah, pardon, elle vous a quitté? Non, j'étais. C'est son prénom. J'étais Miranda, elle s'appelle. Elle est d'origine espagnole. Ah, d'accord. Vous avez un passe-temps, Damien? Jean-Michel Jarre, j'ai tous ses disques. Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3, Oxygène 4, Oxygène 5. On parlait de, on parlait de Teddy tout à l'heure, les Teddy 1, Teddy 2, Teddy 3. Jean-Michel Jarre, en même temps, c'était pas compliqué à retenir non plus. Donc voilà, donc ça c'était l'intro, évidemment. Et puis après, on avait le jeu. Donc ne cherchez pas un sens au Camoulox parce que vous allez écouter, hein, ça n'a aucun sens si ce n'est que c'est marrant. Rouge ou Batiston? Sylvain Mirouf. Je rote. C'est à vous, Damien, de parler. Je mets une jupe culotte et je dois un passant. Parfait, bien joué. Vous avancez de deux lions d'entrée. Jean-François, une réaction? Je fume un néon et je saute sur Olivier Mine. Olivier Mine, c'est la carte mystère. Vas-y. Vaza, bien joué. Vous gardez votre joker. Vous avez 10 trouillons. Damien, vis ma vie ou sang du fion? Voilà. Donc ça se prolongeait jusqu'au moment où il y en a un qui a hésité. Camoulox! Et c'était gagné. Voilà. C'est aussi simple que ça. Deuxième question. Sous quelle autre appellation se fit connaître les Nous c'est nous, la troupe d'humoristes avec notamment Bruno Salomon ou Jean Dujardin à l'époque? Noir c'est noir. Ah oui. Ah, ça remonte aux années 90. Nous c'est nous. Est-ce que c'était avant la bande du losange vert, la bande du carré blanc ou la bande du triangle jaune? Bande du losange vert, bande du carré blanc ou bande du triangle jaune avant que ça s'appelle les Nous c'est nous? C'est facile. Teddy, si c'est facile, je te laisse répondre. C'est pas drôle parce que du coup je donne la bonne réponse. Vas-y. C'est la bande du triangle jaune. Du triangle jaune pour Teddy. Ok, est-ce que Daniel tu dis pareil ou pas? Alors moi j'ai ma bonne réponse à moi, je sais pas si c'est la même que toi. Ah bah, c'est vas-y. La bande du carré blanc. Merde. La bande du carré blanc. Pourquoi ça marche? Attends, j'ai perdu le... Et il a perdu son stylo. Je lui ai envoyé un stylo et il a réussi à le perdre. Non mais putain, c'est pas possible. Bon, seul c'est bon, stylo. C'est bon, je vais la retrouver. Je vais me faire taper dessus sinon. Non mais je crois qu'on n'ait pas la même bonne réponse. Hein. Ah, on n'a pas la même bonne réponse. Ah bah oui, je confirme. Mais que dit Julien? Le losange, moi j'y crois pas. Le carré blanc, ça fait un peu trop drogue pour moi. Donc le losange. Le triangle jaune aussi. Ah Donc du coup tu dis quoi? Le triangle jaune. Ok, c'était une mauvaise réponse, le triangle jaune. C'était bien le carré blanc, c'était leur premier nom. Donc il y avait en fait Jean Dujardin, il y avait Bruno Salomon, il y avait Eric Collado, Eric Masso et Emmanuel Joucla. Voilà, et en fait... Et lui disait dans le Camoulox, dans le fion. C'est ça. Et en plus des sketchs, donc ils ont fait un single qui parodiait à l'époque les boys bands. Alors il y avait les To Be Free, il y avait Alliage, les Warcraft, etc. YouTube. Alliage aussi, oui. Single qu'ils ont baptisé les Nous c'est nous. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont changé de nom. Le single, ça donnait ça. Je m'appelle Axel. Ça, c'est Jean Dujardin. Je suis célibataire. J'aime beaucoup les filles gentilles. Mais maman ne veut pas que je fasse l'amour. Nous, c'est nous. Ouais, ça fait réel. Nous, c'est vous et nous, c'est nous. Si tu lèves ma main au ciel, pense à caresser. Voilà, c'est boys band, hein, c'est. Ouais, clairement. C'est comme la parodie de Charlie et Lulu du Hit Machine. À l'époque, c'était le feu ça brûle et l'eau ça mouille. C'était dans ce même esprit. On va revenir sur les inconnus pour faire plaisir à Daniel et à nous tous avec Monsieur Gentil. Oh, c'est trop gentil. Faites-moi confiance, c'est Monsieur adorable. Gentil. Vous nous enterrez tous. Pour me faire plaisir, tout ça. Ah oui, non, mais toute l'émission est faite pour te faire plaisir. Donc faites-moi confiance, monsieur Gentil. Vous nous enterrerez tous. Mais c'est dans quel sketch ça déjà? Est-ce que c'est dans les langages hermétiques? Dans Perdu de recherche? Ou dans Auteuil ne y passi? Ah ah! Question pour Julien. Tu peux répéter la question? Alors, la question. La réponse. La réponse, c'est. Vous pouvez répéter la question? La question aussi, parce que j'ai fait l'andouille, j'ai pas entendu. Ok, on répète tout. Alors, c'est facile. Monsieur Gentil. Donc, la réplique, faites-moi confiance, monsieur Gentil, vous nous enterrez tous. C'est dans un sketch, mais dans quel? Est-ce que c'est dans les langages hermétiques, dans Perdu de recherche ou dans Auteuil ne y passi? A ton avis, Julien? J'ai un doute maintenant. Ah ah. Langage hermétique. Ok. Teddy. Ouais, vas-y. Ouais, c'est langage hermétique. Teddy, t'es aussi pour les langages hermétiques? C'était facile à deviner. Ça. Ouais, bah, tout est facile. Daniel. Je vais mettre Perdu de recherche parce qu'on a parlé des langages, d'Auteuil ne y passi et pas de Perdu de recherche. Alors, ne laissons personne sur la touche. Bah, c'est gentil de faire du bien à ceux qui sont pas à la lumière, mais effectivement, c'était les langages hermétiques. Les inconnus et qui est excellent. Oui, mais j'ai l'équipe rattrape, je me sentais mal à l'aise d'être devant eux. Et tu parlais de choses intemporelles tout à l'heure, et ça c'est tout à fait aussi intemporel, c'est-à-dire que en fait le sketch des langages hermétiques, c'est un monsieur, donc monsieur gentil qui est gentil, qui accepte tout, et il a affaire avec à des choses qu'on peut avoir, des métiers qu'on peut côtoyer, c'est-à-dire il va chez son garagiste, il fait changer ses fenêtres. Bon, il y a tout un tas de choses comme on ça. On voit la vie de Monsieur Gentil, etc. On voit la vie de Monsieur Gentil et à chaque fois, il tombe sur des gens qui les escroquent. Dans le fait, il met en avant tout ce qu'on appelle le langage hermétique, c'est les langages qui sont propres au métier qu'on exerce. Voilà, si je vous parle de jingle, de bête, de top horaire, etc., ça va être le langage hermétique de la radio. Et donc là, il faut changer votre soufflet de cardan. Exactement, ainsi. Pour le mécanicien, bien c'est sûr, ça. Et du coup, tu embrouilles les gens en leur disant oui, c'est la biellette de direction qui va pas sur le carbut 15. Et le mec te dit bon, bah ok, il faut certainement changer la pièce, alors que toi, t'en sais rien parce que tu connais pas. Et donc, il a affaire à toutes ces personnes-là. Et à un moment donné, il va chez son médecin. Il fait mais vous inquiétez pas, monsieur Gentil, vous nous enterrerez tous. Et puis après, on a le moment où ils sont à l'enterrement. Monsieur Gentil qui nous a quittés trop tôt. Avec voilà. Bon, et ça continue encore à l'hôpital. Après, bon, un excellent sketch à voir et revoir qui est vraiment excellent. J'ai dit 4 fois le mot excellent, mais en même temps, ça vaut. C'est excellent. C'est excellent. Ouais. Question suivante, question c'est pour numéro ça, 4. Il fallait le dire, c'est excellent. Il faut le dire, tout à fait. On va revenir au binôme qui a sévi sur Comédie et Canal avec une autre troupe qui faisait les beaux jours de ces chaînes à l'époque, donc fin des années 90, début 2000. Comment s'appelait-elle cette troupe? Est-ce que c'était la bande à Jamel? Est-ce que c'était les Robins des Bois? Ou est-ce que c'était Omar et Fred? À ton avis, Daniel. Oh, c'est Omar et Fred. Omar et Fred. Teddy. Je dois vraiment répondre? Tu dois vraiment répondre. Tu sais que j'ai la réponse sous les yeux. Ah, mince. Bon, alors... Ok, alors, mais regarde pas. Mais regarde pas. Bon, alors, Julien. Je crois que j'irai Omar et Fred aussi. D'accord. Je crois que vous êtes plantés tous les deux. Oui, mais je pense que vous êtes plantés parce que j'ai un son, il s'appelle les Robins des Bois. Mais peut-être que c'est un piège. Peut-être que c'est... Alors j'ai un doute. Ouais. On va voir, on va écouter, on va bien voir ce que ça... Non, Teddy, tu dis quoi, toi? Bah, les Robins des Bois. D'accord. Bon, écoutons alors. Je m'appelle Sophie Pétoncule, je suis née pile le jour de mon anniversaire. Mais arrêtez de regarder mes fesses, c'est personnel les fesses. Effectivement, c'était on les Robins des Bois. On a un point commun. Ah bon, les fesses? Non, je suis né aussi le jour de mon anniversaire. Ah bon, toi? Mais toi aussi? Mais moi aussi, figure-toi. Oh, c'est bizarre. Oh là là, qu'est-ce qu'on découvre ce soir de choses intéressantes sur nous-mêmes. Bon, les confidences de tennis sortent, on a du pot. C'est n'importe quoi. Donc, parmi les Robins des Bois, nous avons Pierre-François Martin Laval, dit PEF. Nous avons Marina Foïs. Oui, c'est Marina Foïs. DMF. Hein, quand même. Je connais pas. Franchement. Oui. Franchement, j'adore cette fille. Ouais. Maurice Barthélémy, Pascal Vincent, Élise Narnicole et Jean-Paul Rouve. Tu nous as induit en erreur tout à l'heure. Pourquoi? Tu as parlé d'un duo d'humoristes. C'est pour ça que j'ai répondu Marie-Fred. Non, j'ai dit justement... Une troupe. J'ai dit une troupe qui fait les ouais. beaux jours. Donc effectivement, Omar et Fred étaient la réponse la plus improbable, étant donné que c'était un duo. Mais moi j'ai dit troupe. Et il fallait écouter la question. Et Julien, il a dit quoi? Il a dit pareil que toi. J'ai dit Omar et Fred aussi. Et parce que vous, vous n'avez pas la réponse sous les yeux. Ah non, j'ai dit troupe, on pourrait écouter le podcast. Moi, j'ai entendu duo aussi. Hein. Non. Il y a du duo, on réécoutera le podcast. On réécoute le podcast. Ça va se régler sur le podcast. Je suis sûr que c'est des... Je suis sûr que j'ai dit troupe. Ça va se régler sur le podcast. On va faire un podcast ensemble, là, autour du barbecue. On va se podcaster. là, pour le coup, on peut dire on va s'écouter. On va s'écouter. C'est pour ça que j'ai dit Omar et Fred, parce que c'était le seul duo que... Tu verras que tu as tort. Au pire, on peut peut-être annuler cette phase, parce que moi, j'avais la réponse. C'est eux, ils se sont plantés. Non, on annule rien du tout. D'accord. On passe à la question suivante. Mais du coup, j'ai eu bon. Oui, t'as eu bon. en même temps, c'est ton petit avantage d'être à la console. Attends, ça va pas là. Je pose une réclamation. Réclamation. Mais il n'y a pas de réclamation. Alors, qui vaille. Théo, il a donné une explication super logique. C'est vu que je suis à la console, j'ai le droit à un avantage. C'est un petit peu ta récompense, Teddy. Ma récompense d'être aussi bon en tant que. Si bon, je sais pas. Mais ça fait. Tu nous fais la réalisation de l'émission depuis le mois d'octobre. Il te fallait une récompense. Voilà. Là, c'est un point dans un coup. C'est un point. Et c'est pas peu dire. Que je suis même pas sûr de gagner. Bon, allez, question suivante. On a parlé des inconnus, on va parler des nuls maintenant. Bah oui. Qui ont vu le jour dans les années 80 sur Canal. Malheureusement, en 89, il y a eu un mort dans la bande. C'est pas les choses à pluguer, mais comment s'appelait-il cette personne qui est décédée en 89, qui faisait partie des nuls? Est-ce que c'était Bruno Carrette, Bruno Charrette ou Bruno Carrette avec un T? Le bâtard. Je vais poser la question à Julien. Bruno Carrette avec deux T. Avec deux T pour toi. Teddy. Ouais, sinon ça ferait carré. Donc non, Bruno Carrette avec deux T. On dirait pas carrette s'il y a qu'un seul. Ouais, mais t'as la réponse sous les yeux, toi. Ah non, pas cette fois. Moi, si vous voulez, la réponse que j'ai, c'est Spiritium Canal, le best-of des nuls. D'accord. Et Daniel, tu dis quoi? Même si j'aime beaucoup le coup de la charrette, c'est carrette. C'est effectivement Bruno Carrette. Vous avez tous les trois la bonne réponse, bravo. Ah, on avait tous les trois la réponse sous les yeux. Donc malheureusement pour lui, il est mort à 33 ans. Le pauvre, il a attrapé un virus en Égypte. Non. Et il est mort du sida aussi. Donc, C'est moins drôle. C'est pas drôle du tout. Et puis bon, il a attrapé un virus en Égypte et il est mort aussi du sida. Ouais, c'est la totale. Et il a eu le combo. Non, mais disons qu'en fait, on a justifié ça parce qu'il avait attrapé un virus en Égypte et il s'en était pas remis. Mais c'est plus le. Ouais, c'est plus le sida qui l'a tué. Et les autres membres donc des nuls, il y avait Alain Chabat évidemment, Chantal Lobby, Alexandre Potier, Blatz, Arnold Boisseau et Dominique Farrugia, voilà, qui ont composé la bande des nuls. On écoute un extrait des nuls. Une infirmière française dévorée en Éthiopie pendant son sommeil, elle dormait dans un sac de couchage, les indigènes l'ont prise pour un colis de la Croix-Rouge. Sa chatte met bas en même temps qu'elle, une mère se trompe et noie ses quintuplés. Et puis je vous rappelle le titre principal de cette édition, en forme de maxime aujourd'hui. Les grosses, c'est comme les mobilettes, c'est rigolo à monter jusqu'au moment où un copain te voit dessus. Ah là, donc tout va bien. Humour décoiffant, humour de Canal+, des années 90. Question. C'est un con aussi qui était très bien. Ouais, non mais Régis, c'est un con, oui, qu'on a retrouvé sur bon nombre de sketchs. Ouais. C'était un petit peu tu vois les vidéos gags, Teddy. Oui, je vois. C'était en fait dans le moment du Flash Info, parce qu'ils animaient un faux Flash Info, et il y avait souvent un running gag de comme ça, d'un mec qui se prenait un poteau électrique ou n'importe quoi, tu vois. Et genre Régis fait du foot et il a un problème au pied. Exactement. Je crois que j'ai déjà vu des parodies de ce fameux Régis. Oui. Il y a eu plein de blagues qui sont sorties il y a une dizaine d'années sur Régis. Parce que c'était récurrent, tu vois, c'était un personnage Régis, c'est un con, c'était Régis fait du Ça vient de là, le Régis. Okay. Ça vient de là, etc. Ah oui, effectivement. Pauvre Régis. Je connaissais un Régis et sa vie d'adolescent était un petit peu compliquée. Question suivante. Plus difficile, peut-être. Dans la série Un gars, une fille, combien de fois Jean et Alex ont-ils déménagé? Une fois, deux fois, trois fois, Teddy. 4 fois. 5. Teddy n'est pas une réponse acceptable. Ils ont déménagé 2 fois. Tu te rappelles ta na na na na tan tan tan ta na na na. Ma sœur est fan, elle a acheté des cassettes et tout ça et même des DVD parce que après les cassettes. Il y a eu les DVD, il y a eu les Blu-ray. J'imagine. Ils ont déménagé 2 fois. Ils ont déménagé 2 fois pour Teddy. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai une petite anecdote à raconter là-dessus. OK, on l'entendra après Daniel. Ouais, alors moi j'aurais bien répondu Teddy, ça me plaisait comme réponse. Et comme dans ces cas-là, j'ai l'habitude de répondre au milieu, je vais dire 2 fois. OK. Julien, ça fait Teddy quand même. Alors là, aucune idée, vraiment aucune idée. Alors, je vais suivre le move 2 fois aussi. Excellent. Et bah fallait pas parce que c'était 3 fois. J'en savais rien, j'ai aucune anecdote. J'ai dit ça, c'est uniquement pour que vous me suiviez au cas où. Ça, on sait. Ouais. Ouais, ouais. Non, alors par contre, l'anecdote de Daniel. Ah, Daniel, il y a une anecdote. Moi, j'avais envie de répondre Teddy, je l'ai dit. Alors. Oui. Non, ah, c'est ça. J'ai répondu au milieu. Non, c'était moi qui avais une anecdote. Ah, c'était toi qui avais une anecdote. Mais c'est pas vrai. En fait, j'ai dit que j'avais une anecdote pour montrer que j'étais sûr de ma réponse. J'ai poussé le vice encore plus loin. D'accord. Ah, il a bluffé. Oui. Voilà. Il bluffe toujours, Teddy. Il bluffe, Bartoli. Il bluffe. Ah non, il bluffe pas. Si, il bluffe. Il dit qu'il a plus de genoux. C'est ça. Ben, ça, c'est les nuls. Là. C'est, ben, oui. C'est dans la cité de la peur. La cité de la peur, voilà. Très bon film d'ailleurs, au passage. Dernière question déjà, oui. Alors souvenez-vous du Velcro. Le Velcro ? Le Velcro. Qui étaient les premières armes d'Hugo et de Norman sur Internet. Hugo tout seul et Norman fait des vidéos. Donc c'était à l'époque sur Dailymotion. Il y avait Kemar, il y avait Cyprien aussi qui les ont rejoints pour quelques sketchs. Et puis en 2009, il y a Digital Games, qui est une société de production, qui les embauche pour une mini-série appelée Nouvelle Série Geek. Mais quels étaient le nom de leur personnage dans la série, donc le nom de Hugo et de Norman? Est-ce que c'était Melon et Pastèque, Kiwi et Cowboy, ou Jerky et Citron? Melon et Pastèque, Kiwi et Cowboy, ou Jerky et Citron? À ton avis, Julien? Pastèque, allez. J'en sais rien du tout. Donc pour toi, ça serait quoi? Bah le 1, Melon et Pastèque. Melon et Pastèque. Ok, Teddy. Kiwi et Cowboy. Kiwi et Cowboy. Ouais. Ok. J'en dirai pas plus. Daniel. Allez, pour le fun, Jerky et Citron. Jerky et Citron. Oh putain, ça pue la merde ça. Alors, qui avait la bonne réponse? Roulement de tambour. Est-ce qu'on a un roulement de tambour? On avait. Alors, fut un temps où Indestar avait des bruitages de malade. Ça, c'était à l'époque où on était riches. Hein. Mais attends, mais si, je l'ai. C'est bon. Attention, roulement de tambour. Ouais. C'était Kiwi et Cowboy. Wouhou. Bonne réponse pour Teddy. J'en savais rien. On écoute un sketch donc de Kiwi et Cowboy dans la nouvelle série Geek. Écoute ça, mec. Un Lyonnais âgé de 13 ans aurait été arrêté samedi alors qu'il mettait le feu à des voitures. Lors de son audition avec les forces policières, le jeune homme aurait déclaré avoir pris exemple sur GTA 4. Ah putain, j'ai des bagnoles de fric au cul. Excusez-moi les jeunes, je suis malade. Vous pourriez faire un peu moins de bruit? De toute façon, à partir du moment où tu laisses ton môme de 13 ans jouer à genre de jeu, c'est forcément qu'il y a déjà un souci à la base. Ouais, non, mais c'est clair. Donc vous avez compris, hein, ils sont en train de jouer à GTA et puis ils parlent de cet article et là il y a la voisine qui arrive, ils sortent les vraies armes. GTA ne rend pas violent. Non, c'est pas vrai, évidemment, sinon c'est que les jeunes sont déjà pas bien. Par contre, pour de vrai, théoriquement, GTA ne rend pas spécialement violent. Non, non. J'ai cru qu'il y avait oh. Non, moi je suis de la team de que non, c'est pas ça qui influe les gens. Même s'il y a eu beaucoup de enquêtes aux États-Unis, comme quoi ceci, cela, aux États-Unis, il y a peut-être autre chose qui cause. Peut-être le permis d'armes déjà. déjà s'ils arrêtaient d'avoir des armes comme ça dans leur maison, peut-être qu'il y aurait, il y aurait peut-être moins de meurtres. Faut déjà se poser les bonnes questions. En tout cas, nous avons le score final. Papam, papam, papam. C'est un roulement de tambour encore ? Non, bruitage à la bouche, rien que ça. Non, mais ça va pas en plus parce que. Je fais bien le bruitage à la bouche. Je fais très bien le bruitage à la bouche. Donc, nous avons en dernière place une égalité parfaite entre Daniel et Julien qui n'ont pas la moyenne. Vous redoublez la classe de CE2 avec 3 points. Ouais. Yes. Et Teddy, tu passes à la classe supérieure avec 2 points de plus, soit. J'ai oublié combien ils avaient. Ils avaient 3. Tout ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir gagné. Tu vois. Donc tu as 5 points. Ouais, tu seras lors de la prochaine émission. Alors, que tu dis. Mais c'est vrai qu'il y avait un avantage. Tu as bien dit duo. J'avoue que sur sur un point, les Robins des Bois. Oui. Je l'aurais jamais eu, je pense. Si t'avais pas eu la bonne réponse. Parce que autant Camoulox, il t'est écrit, mais Camoulox, c'était facile. Tu l'avais, toi. Bah ouais. Dis pas, c'était facile, ils l'ont pas eu. Toi, tu l'avais. Mais ils étaient mauvais. <C'est> pas... Si, non, Camoulox, c'est... moi je l'ai eu. Bah ouais. Ah oui, c'était le début, oui, pardon. C'est qu'en fait, il compte ses points, mais il sait plus à quoi correspond. Tu sais pas ce que tu dis, hein. Si, vous l'avez eu, vous l'avez eu, le Camoulox. Pardon, autant pour moi. Mais j'avoue que je veux bien m'enlever un point vu que j'ai 2 points d'avance. Non, ça se joue pas comme ça. Bah si, je m'en fous, je gagne quand même. Garde tes 2 points, en tout cas, voilà, bravo Teddy, même si t'as eu quelques réponses. Du favoritisme. On va porter une réclamation avec Julien. Et vous allez pouvoir réécouter le podcast pour vérifier que j'ai bien dit troupe et non duo dans la question qui concernait. Un duo. Voilà, c'est sur cette triste nouvelle que nous nous quittons. C'est une réplique de Top Gear. Voilà, parce que c'est moi aussi je cite. Voilà, c'est sur cette. On s'entartine les aisselles. C'est sur cette déception que nous nous quittons. C'est comme ça qui terminait des fois quand ça tournait mal. Et c'est-à-dire à peu près à chaque fois parce que ça tournait toujours mal. On se retrouve dans 3 semaines, c'est ça, 3 lundis. Ouais, c'est ça. Ouais, dans 3 lundis pour la rentrée en fait. Pour la rentrée des classes, ouais. On aura nos petits cartables et on sera prêt à aller en cours avec un masque. Ne l'oubliez pas. Si on peut retourner en cours. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite des très bonnes vacances. Profitez bien, même si vous profitez à la maison, profitez quand même. Oui. Et profitez-en d'ailleurs pour réécouter toutes les émissions d'Indestar que vous n'avez pas pu suivre parce que vous étiez débordé de travail. Et oui, pour profiter des nouveautés qui passent, notamment le dernier Nina Attal et plein de. Et profiter des chocolats de Pâques que vous avez ramassés il n'y a pas longtemps. Voilà, mais avec modération pour ne pas vomir. N'est-ce pas c'est Julien que tu vomis quand t'as trop de chocolat. C'est mon fils qui vomit. Ah, c'est ton fou. Ah, il a du mal à suivre. Oui. Mais c'est pas grave. Bon, c'est plus ce qu'il dit. Hein. Déjà, oui. C'est l'âge, ça. C'est l'âge. Non, bon, dans tous les cas, on se retrouve. Sûr, c'est sûr et certain. On se retrouve dans 2 lundis. Écoutez les podcasts si vous vous ennuyez ou même si vous avez envie, en fait. C'est... Écoutez-moi ce bootleg entre la. Et surtout, écrivez quand vous aurez entendu du haut. Ouais, ou pas. Ouais. Ou pas. Commentez sur Internet, sur Facebook, tout ça. Allez-y. J'ai une chanson à vous faire écouter, un bootleg entre Galvanize. Il va le dire quand même à finir son émission. Hein. Bah, oui. Ah mais si tu veux, il peut ne pas arriver à le dire. Non mais il suffit que je coupe le micro et il peut plus rien dire. Alors le titre est entre Galvanize et la 5e symphonie de Beethoven. Oula. Oui, tout à fait. T'as dit quoi ? J'ai pas entendu. Un bootleg, donc un mélange entre Galvanize et la 5e symphonie de Beethoven. Alors autant la 5e symphonie, c'est sûr qu'on va connaître, autant Galvanize, je sais pas, mais ça doit faire un truc assez chelou quand même. Ça fait un nouveau titre et ça fait un bootleg à écouter maintenant sur Indestar. On vous dit bonsoir. Ciao les amis. Salut. Bonne vacances. Salut. Bonne vacances à tous. C'est pas faux, hein. On s'entortille les aisselles. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.